Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous! Traverse un mur blanc de neige, de tempête. Vous voilà de nouveau bien dans la mouise. C'est très très perturbant. Encore une fois, de la grêle, des pics, du vent. Vous êtes chahuté à droite, à gauche. Votre pilote, Harold Devilay, a du mal à tenir les commandes de votre Atmo. Pourtant, vous voyez un dôme lumineux sur lequel la lumière se réfléchit à travers effectivement cette tempête, puisque vous venez de sortir in extremis de la neige, et vous arrivez comme des missiles, puisque vous êtes suivi par le deuxième Atmo, en direction de l'astroport d'Aldena. Sauf que, problème. Bien évidemment, comme beaucoup de planètes à la surface complètement inhabitable, notamment gelée, les astroports sont couverts, protégés par un dôme. Donc, que se passe-t-il? Vous arrivez comme des balles, en direction d'un énorme dôme, effet moustique sur le pare-brise, il va falloir faire un truc, avant de vous écraser, et surtout pour pouvoir rentrer, puisque le dôme, bien évidemment, a ses portes, en tout cas son accès, d'énormes portes coulissantes qui sont verrouillées pour se protéger effectivement des intempéries de la tempête. Messieurs, à vous, aux commandes. Ah bah, Harold, fais le truc, hein. Attendez, ça va être un peu compliqué là. J'espère que t'as eu le manuel, parce que c'était pas très sécure la première fois. Mais quel manuel? Mais j'ai pas eu le temps de lire un manuel. Vous croyez que j'ai le temps, moi, entre piloter, lire des manuels, tout ça? J'ai avoir besoin d'aide pour la navigation. Donc, ok. Allez, n'écoute pas Belette. N'y connais rien. Quel degré va falloir que j'approche de l'atmosphère? Parce que je sais pas de quoi elle est composée. Il y a des gaz différents, ça réagit différemment. Enfin, c'est très complexe. Donc, je dis ça tant bien que mal, et j'essaye d'apprêter le vaisseau pour qu'il rentre de façon la moins difficile possible dans l'atmosphère. Bah écoute, appuie un peu partout sur le tableau de commande, sachant pas vraiment ce que je fais. Ça ne pas vraiment ce que tu très fais. Très bien, sympa. Ouais, bon, moi je te soutiens, quoi qu'il en soit, avec mon commandement. Alors. Tu vas, pour honorer le début de cette partie, effectuer un test de pilotage véhicule aérien, et afin de ne pas te manger le dôme sauvagement, je vais te demander une difficulté de 5, car c'est bien difficile. De 5? Ouais. Du coup, okay, je peux l'aider commandement, moi? Tu peux l'encourager, vu que vous êtes à côté. Oui, hein. L'ascenseur, ça sert à rien? Non, là non. C'est déjà 3 succès. Alors, ça fait 2 excédentaires, donc tu gagnes 2 dés. Voilà. Je gagne 2 dés. Et par exemple, si j'ai envie d'utiliser mon panache pour le faire, je dépense un point de panache tout hasard. Alors, tu pourras rayer la vitre avec panache. D'accord, ouais. Bon, j'ai pas rayé la vitre avec panache. Ouais, on va garder le panache pour plus tard. Allez, voilà, essaye. Très bien, je vais essayer. Du coup, ça me donne 2 dés, c'est ça? Oui, tout à fait. Bah, ça les a pas jetés, les 2 dés. Je vais jeter. Faut que je jette un autre truc. Bah tiens, ça, je vais jeter ça en même temps. Faire les 2 dés supplémentaires. Voilà. 4, 5. 5 succès. Il me semble. C'est ça. Oh, voilà. Ouais. C'est ça. Ouais. Bah, voilà. Ouf. T'as là un flocon de neige qui virevolte à travers les cieux de cette tempête. Tu arrives à faire quelques vrilles. Et bien évidemment, vous entendez votre radio grésiller. Alors, vous entendez brièvement la capitainerie qui commence à hurler à l'autre côté. Comme toujours, les informations un petit peu habituelles. On vous demande qui vous êtes. Mais qu'est-ce que vous foutez dans ce bordel? Vous venez d'où? Je tends le micro à... Je montre où est le micro à notre cher Bart. Ici la capitaine arrive, vous nous entendez, bordel? C'est quoi ce délire? Vous avez failli vous éclater sur le dôme. Vaisseau en avarie. Nous nous sommes pris la tempête. Voilà, je raconte un petit baratin comme ça. Eh bien, écoute, baratine. Il est pas très... vu le stress qu'il y a, la difficulté du test est de 2. Eh bien, je fais 4. Eh bien, tu fais 4. Bah écoute, vas-y, termine ton baratin, qui va fonctionner. Voilà, hein, donc, vaisseau en avarie, ouvrez-nous, allez, hangar, il faut absolument qu'on s'arrête. Ici la capitainerie. Bien reçu, écoutez, vous avez l'autorisation d'atterrir. Cependant, dirigez-vous vers l'aire d'atterrissage des services de sécurité pour préserver effectivement les consignes et permettre les réparations. Allez. Et t'entends quelques manettes derrière et vous voyez effectivement les énormes portes coulissantes qui commencent à s'ouvrir avec un flot d'air qui vous aspire en partie. Donc Harold a toffé de manœuvrer pour éviter de rentrer à l'intérieur et de percuter ce qui pourrait se trouver en suspension. Et vous voilà sous le dôme. Alors, pour rappel, tac, savoirs généraux, astroport, voilà, on peut vous afficher ça. Tac. Donc un astroport un peu classique, ça ressemble à ça. Donc c'est assez grand. Bien évident, puisqu'il faut permettre au vaisseau de pouvoir se poser. Comme la surface d'Aldena est complètement congelée, c'est ce qui permet effectivement d'avoir une surface liquide pour pouvoir amerrir. Sinon, ça serait bien compliqué. Donc vous avez effectivement plusieurs quais avec le centre de contrôle, où va se trouver notamment la capitainerie qui vous a autorisé à entrer. Et sur les différents quais, vous avez un des quais. Peu importe, hein, vous avez un quai tout simplement avec des indications spécifiques, de gros panneaux lumineux qui indiquent en fait c'est un des quais de sécurité. Donc c'est là notamment où quand il y a des vaisseaux avec des avaries et ce genre de choses peuvent se poser. Vous, comme vous êtes un atmo, ça se pose pas au sol. Bien évidemment, ça a des pattes. Donc vous voyez comme sur ce plan, il y a une espèce de parking qui entoure complètement le dôme intérieur. Donc vous, en fait, tout simplement, au niveau des quais, qui sont destinés aux amérissages de sécurité, vous avez à l'arrière effectivement des pistes pour poser votre atmo. Donc sur le béton directement, en attendant vous êtes toujours dans les airs et vous pouvez virevolter, vous diriger vers la zone d'atterrissage que vous souhaitez. On vous a demandé d'atterrir là-bas et vous n'êtes pas obligé d'y aller, bande de pirates. Bah, qu'est-ce qu'on connaît en fin de compte? On sait qu'il y a un endroit où on aura plus facilement... Parce que j'imagine que les sécurités, ils vont nous attendre peut-être avec des armes ou autre. Enfin, c'est ce que ça me dit, sécurité. Voilà, moi, j'aime pas ça. Hein. Nous sommes d'honnêtes citoyens. Oui. Parce qu'on sait s'il y a un quai, justement, enfin, un parking où on sait qu'on sera moins emmerdé. Alors, pour répondre à ta question, déjà, effectivement, la première des choses à vous dire, c'est que Belette pense qu'il est utile de te remontrer ta belle combinaison de travail, puisque c'est avec ce beau pyjama. Ben on s'est changé, on avait récupéré nos affaires. Ah oui, c'est vrai, mais vous n'êtes pas tout seul. Ah ben, oui, mais ils sont dans un des containers, donc... N'est-ce pas? Et vous êtes suivi d'un deuxième convoi. Dans le deuxième convoi, vous avez aussi quelques-uns qui sont un peu en pyjama. Ouais, ils sont pas avec nous. Ils y arrivent. On les connaît pas. On les connaît pas, nous. Voilà, c'est clandestin. Enfin non, pas ceux qui sont dans la, pas ceux qui sont venus avec nous. Ils sont venus avec nous, c'est. Bah on les a attrapés. Ils ont décidé de nous suivre. Oh là, c'est fibustier. Oh là là. Ils ont pas récupéré leurs affaires eux aussi, du coup. Autre, non, bah tout le monde n'a pas d'affaires aussi, ma foi, extra utile de. Luxueuse et stylée que les vôtres. C'est vrai. Autre chose à amener à votre information, comme ça c'est une petite info que vous pouvez vous rappeler. Bien évidemment, vos véhicules, ils appartiennent à Galactic Miners. Donc certes, c'est des véhicules standardisés comme plein de choses. Il n'empêche qu'il y a un gros logo Galactic Miners. Après, il y a plein de véhicules de Galactic Miners. Mais très certainement, et notamment, ça en jetant un coup d'œil au-dessus du panneau de contrôle, Harold, comme n'importe qui, voit il y a l'identification de l'Atmo. Pour savoir en fait où est-ce qu'il est censé être en service. Donc ça fait partie très certainement des choses qui vont vous être demandées, puisque quand on arrive dans une capitainerie, depuis l'espace, on vous demande toujours le code d'identification de votre vaisseau, votre nation d'origine notamment, si vous avez, enfin, ce que vous venez faire, et si vous avez des marchandises à vendre pour payer la douane. Là, c'est pas le cas, mais il est fort possible qu'on vérifie l'identification de l'Atmo, pour savoir un petit peu plus ce qui se passe, pourquoi vous êtes dans la tempête. Première chose. Conteneur de minerais. Ouais, tout à fait. Donc vous avez un tas de conteneurs de minerais, avec notamment un conteneur avec des gens dedans. Autre chose... là, avec la tempête, impossible pour tous les véhicules de se balader à droite à gauche. C'est-à-dire que vous allez être un peu confiné dans l'enceinte du dôme de l'astroport. Donc il ne va pas y avoir forcément énormément de moyens de filouter, il ne va pas falloir perdre trop de temps. C'est un petit peu ça le truc. Donc l'idée, c'est peut-être de se rebarrer le plus vite possible à travers la tempête, mais avec quelque chose dont la carlingue tienne plus la route. Quelque chose qui peut traverser l'espace et l'hyperespace. Parce que ça, une tempête, ça fait moins d'effet. En gros, un autre vaisseau, quoi. Bah, on va regarder. Voilà, utilise les faut carjacker encore. On fait notre marché, voilà, quoi. Voilà, un autre vaisseau pour... voilà, hein, pour... On va vaisseau de jacquer. Mais en vrai, quand on passe au-dessus, là, quand on arrive à peu près, on voit qu'il y a d'autres vaisseaux qui pourraient être intéressants. Déjà par en hauteur là. Bah écoute, à vue effectivement tout simplement au niveau de l'habitacle hein, quand tu regardes au niveau de l'atmo par le pare-brise, il y a plusieurs vaisseaux effectivement qui sont amarrés, qui sont au ponton à droite à gauche. Donc il y en a un certain nombre puisque Aldena fait partie des planètes du système Exalia. Comme c'est une planète qui est exploitée pour ses ressources minières, il y a forcément des gens qui font du commerce. Et des gens qui viennent aussi faire du commerce au-delà de minerais, bah peut-être du commerce aussi de travailleurs, pour échanger un peu ce genre de choses, hein, comme vous avez l'habitude, vous y avez participé. Mm-hmm. Vous connaissez les bienfaits de ce marché. On a quelques esclaves dans la cale, au pire, à revendre. C'est pas des esclaves, c'est des compagnons. oui, pardon. Compagnons. Les compagnons de devoir. Belette, est-ce que tu peux nous faire un coup de senseur pour trouver quelque chose de viable parmi ces vaisseaux? Tu peux regarder. Hein. Là, à vue, vous avez. Hein. Donc là, par exemple, la question étant, si vous voulez quelque chose, et si vous voulez quelque chose surtout qui soit prêt à décoller, il est peut-être utile de réfléchir ensemble à créer votre chance, telle de vrais pirates. Donc vous étiez limité... au point de panache, vous n'aviez pas vos points de panache habituels, mais vous en aviez que un depuis le début de l'aventure. Donc ça fait qu'au total, vous en avez quatre à vous quatre, forcément. Donc la question étant, de manière collective, si vous voulez avoir un truc qui tient la route et à savoir qu'il soit peut-être sur le point de décoller, parce que c'est ça l'intérêt, parce que sinon, vous savez que les manœuvres de décollage pour démarrer le vaisseau et se barrer, ça peut prendre trois plombes. Alors on fait des décollages pirates aussi. À la va-vite, mais ça endommage le vaisseau. Donc après, c'est au choix. Après, moi, ce que j'avais à proposer, finalement, c'est que on avait quand même amené un chargement de minéraux avec nous pour quand même se faire un peu d'oseille. Donc si est-ce qu'on aurait la possibilité, une fois qu'on a un petit peu zioté ce qu'il y a au niveau des vaisseaux, de pouvoir vendre la cargaison? Non, mais on n'a pas le temps de vendre. Il faut qu'on reprenne quelque chose et qu'on se barre direct, parce que sinon, ils vont nous remettre au fer direct. Ah, ok. C'est ça le problème. On n'a pas le temps de... Bah là, après, il faudrait qu'on aille... Il faut qu'on marche sur le quai et qu'on essaye de voir les quais sont prêts à décoller, en fait. Bah, c'est ce que nous dit le MJ, et donc il faudrait qu'on dépense des points de panache pour ça. Alors, il faudrait qu'on dépense les points de panache. Hein. Bah, je pense qu'on va tous claquer un point de panache pour avoir le truc le plus viable possible. Hein. Je pense, le plus viable et prêt à décoller. Pour le space jacking. Bah écoute, tu eh bah écoutez, le truc le plus viable, prêt à décoller, le plus simple pour vous, surtout, ça va être de récupérer, effectivement, vous voyez dans les vaisseaux qui sont amarrés, plusieurs équipages qui sont en train de travailler. Pour la plupart, ce sont effectivement des équipages au logo de l'OCG. Et vous avez un choix de véhicules tout à fait simple, notamment le grand classique, le basique, le fameux galactique basique. Et par chance, vous en avez un, effectivement, qui est en train d'effectuer ses dernières vérifications, en tout cas avant de partir, et la soute de ce dernier est ouverte. Harold, tu nous poses à côté de celui-là. Le galactique basique comparé au vaisseau qu'on a actuellement, c'est quoi l'ordre de grandeur ? Alors, vous avez donc, c'est un véhicule aérien, comme un énorme camion. Alors c'est pas un camion citerne ou quoi que ce soit, c'est un énorme camion de transport. Donc c'est avec des modules antigraves. Votre vaisseau, grosso modo en termes de gabarit, c'est un truc qui pèse 25 tonnes. Ok. C'est un petit rectangle. Et à l'arrière, au-dessus, c'est surtout ça l'intérêt, c'est que vous avez mis tout un tas de containers. Galactique basique, en termes de longueur, tu dois être, puisque tu vas les accrocher dans ce sens-là, 1, 2, 3, 4, tu dois avoir, je sais pas... 20... 30 mètres, il fait. 100 tonnes, 30 mètres. Voilà. D'accord. Je crois que la soute peut contenir 25 unités, donc je... Voilà. Donc, idéalement, je me demande si, par exemple, je ne peux pas poser directement notre vaisseau ce camion de l'espace dans cet autre vaisseau de l'espace. Ouais. Alors, la réponse étant, pour ceci, c'est une très bonne idée. Et puisque c'est une bonne idée, tu peux effectivement te poser à l'intérieur. Alors, ça va être une belle manœuvre. Cependant, en te posant à l'intérieur... tu vas occuper en fait la quasi-totalité de l'espace de soute. Très grave. Bah, à la limite, c'est pas bien grave. En plus, on aura gardé les cristaux. On aura gardé le minerai. Oui, ouais. Exactement. Et en plus, on aura un Atmos à vendre si jamais on le souhaite. Qu'est-ce qu'il est bon, ce Harold. Bon, maintenant, il faut qu'il se pose aussi. Oh, mince. Arrête de lui mettre la pression, Belette. Hein oh. Ah, écoute, hein, c'est tout moi, ça. Hein, bon. Allez, t'inquiète pas, ce qui se passe, Harold. Je vais te soutenir. Ouais, à nouveau. Soutenez-moi, si je vous prie. Capitaine, moi, j'ai un sourire aux lèvres, hein. Je rigole, mais... ça te fait 2 dés en plus, j'ai fait 3. Tu fais pas 3 ? Bah non, c'est 2 succès supplémentaires. Ah d'accord, ok. Exactement. Ok. Voilà. Ok, je crois que c'était par rapport au nombre de dés. Ok. Très bien. Bah, je m'apprête à faire ça, du coup. Pouf. Je pense pas qu'on a un bon capitaine. Hein. J'ai envie de te dire. Il fait un créneau là. Il fait un créneau, le mec. Attendez. Même pas une rayure. Excusez-moi. écoute, les personnes alentour sont complètement médusées par ce qui est en train de se passer. Ils comprennent pas vraiment. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Donc eux, ils sont au niveau de la soute en train de regarder et d'un seul coup, ils sont soufflés. Donc il y en a qui tombent à l'eau, il y en a qui se jettent carrément. Et tu te poses comme une merveilleuse libellule, tout en douceur, à l'intérieur de la soute. C'est à peine si effectivement tu fais quelques accros à l'intérieur. Vous êtes posé et bien évidemment, à l'instant même, quelques microsecondes après, vous voyez effectivement les lumières de sécurité rouges à l'intérieur du basique qui sont allumées, puisque certainement les personnes qui étaient en train de s'occuper de regarder ce qui se passait, notamment au niveau du poste de pilotage, ont déclenché l'alerte rouge, qui semble assez évident. Et vous entendez des trucs qui se mettent à gueuler dans la capitainerie ou quoi, et tout un tas de chahuts, couilles bouillues à l'extérieur. Que faites-vous Moment de descendre, hop. On va aller libérer déjà nos compagnons qui sont dans le conteneur. Ouais, j'imagine. Voilà. Je sais pas s'il y a un bouton dans l'Atmos pour pour ouvrir la. Non, non, juste sur le conteneur. Après, vous avez des grosses manips sur le conteneur. Vous avez un gros bouton sur le conteneur, effectivement, okay. Vu qu'il n'est pas scellé pour le déverrouiller et l'ouvrir. Bah, j'ai demandé à Never de faire ça. C'est elle qui est spécialiste en boutons. Moi, je sors. Et moi, de... je me dirige vers. Ouais, je sors juste du poste et donc j'ai mon fusil avec moi qui est en direction de menaces potentielles, mais toujours quand même avec le sourire parce que je suis quand même bluffé de ce qu'il vient de faire malgré tout. Voilà. Et de mon côté, moi, je sors directement, je me dirige vers la porte de la soute, en fait, qui donne vers la sortie pour la fermer manuellement, en fait. On appuie sur le bouton de fermeture. Yes, bah, t'as une grosse manivelle effectivement depuis l'intérieur pour les manettes d'urgence hein, en manuel pour refermer la soute. Tu enclenches ça, donc la soute commence à se refermer assez rapidement. Messieurs, vous êtes plus ou moins prêts à partir, bien évidemment, mais il vous reste quelques menus actions à mener. La première, prendre le contrôle de ce bâtiment, de ce nouveau bâtiment, bien évidemment. Et ensuite, puisque vous êtes plus ou moins, pour certains, autoproclamés pirates, et que maintenant, effectivement, vous êtes bien engagés pour tous les autres à le devenir, Bart ne manquera pas de vous dire qu'il est interdit à un pirate guide de ce nom de se barrer, de décoller avec un vaisseau qui n'aurait pas été baptisé. Donc ça veut dire quoi? Donc il faut prendre le contrôle du bâtiment, élire un capitaine. Ensuite, il faut baptiser le vaisseau, c'est-à-dire il faut lui trouver un nom, éclater une bouteille de gnôle, hein, puisque là, bien évidemment, pas forcément de rhum de Havana à main, mais une bouteille de gnôle classique, il y en a partout, vous en trouverez dans le vaisseau, ça se fait. Attribuer les postes, bon, ça va aller assez vite, hein, c'est qui au pilotage, vigie, au canon et à la salle des machines. Et ensuite, eh ben, mettre les gaz pour se barrer, tout en trouvant un moyen de faire en sorte de réouvrir les grandes portes par lesquelles vous êtes entrés. Eh ben déjà, on va prendre le contrôle, hein. Donc c'est ça. On va avancer avec Belette. Hein. Je pense qu'on va aller vers le poste de pilotage, hein. Sans y aller trop vite, parce qu'après on va être pour pas non plus que Harold reste trop en arrière, parce que si on laisse le pilote derrière, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qui s'y rend? Ah bah moi et Belette. Moi. Et déjà moi aussi. Hein. Et puis après les autres vont suivre. Hein, Voir si je peux pas me connecter à une interface pour avoir accès à l'environnement du vaisseau pour savoir. T'auras plus vite fait d'aller au poste de pilotage ou direct. C'est un basique, hein. Ou directement à la salle des machines. Alors pour tac tac tac. Hop. Et nous, on était sur un vaisseau similaire en plus avec Belette. Oui, tout à fait. On connaît la maison. Tout le monde le connaît. Hein. Visite intérieure. Hop, tenez. Visite intérieure, j'ai dit pas extérieure. Tu nous remets ça. Tu l'avais ça, mise. Ça, vous avez déjà l'intérieur basique. L'image, je crois. Tac. Donc, la soute, elle est pleine. Tout simplement, bah, quand les gens commencent à sortir, vous avez une première coursive. Bon, de là où vous êtes, au niveau de la soute, vous arrivez dans une coursive, un premier couloir, et vous avez deux portes qui font face-face, gauche-droite. À gauche, vous savez, c'est toujours fait de la même manière. Vous avez les quartiers avec la zone de douche, en fait, pour se reposer. Et à droite, vous avez l'accès au poste de pilotage, avec un niveau inférieur, avec tout un tas, effectivement, de commandes où on va préparer un petit peu les voyages, faire un certain type de calcul, et une échelle qui monte au poste de pilotage à proprement dit, avec notamment le poste pour le pilote et la vigie, qui sont côte-côte. Donc, il y a deux personnes... qui sont tout simplement au niveau de la vue au niveau de l'espace. La coursive amène tout au bout sur la salle des machines, donc celle où tu peux te rendre en trois grandes foulées, Nev. Et juste avant d'arriver à la salle des machines, vous avez une porte avec en fait le sas d'entrée, donc un espace dédié, là, un petit espace d'entrée. Cet espace d'entrée, il y a une échelle qui monte avec une écoutille qui mène à la tourelle. Il y a l'unique tourelle en fait du vaisseau, le moyen de défense. Et dans cet espace d'entrée, vous avez tout simplement la porte qui amène en direction du SAS. SAS qui se déverrouille avec, comme d'hab, avec la carte d'accès. Voilà. Comme tous les vaisseaux, comme d'hab, il n'y a pas de clé. Hein. Ça se démarre en appuyant, en préparant. Là, vous avez de la chance, c'est déjà en train de chauffer. Puisque vos points de panache vous le permettent. Moi, je vais, crier des ordres en fin de compte pour que bah, ceux qui étaient dans le conteneur, les autres prisonniers, bah, ils vont déjà au niveau du quartier, voir s'il y a du monde. Et puis nous, on va au poste de pilotage. Hein. C'est ça, c'est, il faut prendre tout de suite les commandes. Allez, du navire. Harold, où est-ce que tu vas ? Que tu fais ? Moi, je suis juste derrière. Je suis juste derrière, justement, Bart, me protégeant un peu derrière lui, d'ailleurs, prêt à l'accompagner pour aller dans le poste de pilotage. Okay. Je tends peut-être mon fusil à un des membres d'équipage qui passe par là, préférant lui laisser l'arme si jamais le combat commence. Ils avaient récupéré quelques armes, je crois. Pas grand, pas beaucoup, mais... beaucoup. Bah écoute, tu tends ton fusil et il y a une jeune femme qui attrape ton fusil sans trop se poser de questions, qui attrape le fusil qui tout simplement part effectivement vers les quartiers. Never Again, qu'est-ce que tu te diriges toi vers la salle des machines ? Qu'est-ce que tu fais ? Ouais, est-ce que il y a du monde dans les salles des machines en général ? Oui, il y a un autre ingénieur comme moi. À minima, il y a un peu de monde pour préparer, tout à fait. Si je peux y aller avec un ou deux gars, je sais pas, on avait emmené combien de gars avec nous en plus de. Rappelez-moi combien vous en aviez dans votre conteneur. Je sais pas. Je sais plus combien étaient venus, pas énormément quoi. J'irais 8, mais je sais pas pourquoi j'ai ce chiffre là en tête. Bah, moi j'avais 5 dans la tête. Par rapport au succès. Bah, 8 et 5, on dit 6. Bah, j'essaie de retrouver le G que j'aurais pu faire en fait, par rapport à ça. Oui, parce que c'est vrai que c'était toi qui avais fait un superbe discours pour essayer de voir ceux qui voulaient venir avec nous. Alors, il faut être 4 pour, au minimum pour manœuvrer un basique. Donc, comme on tourne au niveau des quarts, idéalement, c'est à minimum, on est entre 8 et 10, on va dire, souvent. Pour justement se permettre le repos et qu'il y ait toujours des gens en fait reposés qui font tourner la machine. Donc à minima, effectivement, si, il y en avait un peu plus qui étaient montés, il me semble. Parce qu'il y avait quand même une bonne partie de personnes qui étaient là. Ouais. Mais 8, ça me va bien. Bah 8, avec bah, vous, écoute, on va pas tergiverser. Hein. On fait sur 8. Et voilà. De toute façon, on tient une vingtaine, presque 30 à l'intérieur. Il n'y a pas de souci. Ouais. Okay. Donc du coup, je vais aller à la machinerie avec 4 personnes. En soutien. Alors, Gossed, oui. Quand tu passes effectivement par la coursive, bah, tu vois plusieurs talons qui prennent d'autres sas, d'autres portes effectivement de l'autre côté. Donc très certainement que tout le monde est en train de se barrer. Oui. Voilà. Quand vous arrivez avec Olshad, que vous déboulez effectivement au niveau sous le poste de pilotage, vous voyez que c'est complètement vide. Il n'y a strictement personne, donc Harold peut allègrement prendre l'échelle pour monter et s'installer sur le siège. Moi, je propose... Voilà ton siège. Ouais, ben moi, je vais continuer juste à parcourir le reste du vaisseau, voir s'il n'y a pas des gens qui seraient restés ou qui se planquent. Et pendant ce temps-là, voilà, peut-être avec une ou deux personnes... Mmh. Qui me suivraient et je ferai un petit peu au niveau du générateur ou voilà, okay. Voir s'il n'y a pas des gens qui se cachent par là. Bah écoute, t'entends du bruit à l'extérieur parce que quand tu vas vers le générateur, tu vois que tout est ouvert donc il y a une espèce de double porte qui mène au sas d'accès. Bah tu vois que le sas il est ouvert, hein, tout est complètement ouvert. Ouais. Quant à toi, Nev, bah tu arrives dans la salle des machines et dans la salle des machines, il y avait encore une personne qui était en train effectivement de s'occuper. Des générateurs, notamment de vérifier que tout se passait bien, parce qu'il faut quand même maintenir ça tranquillement quand on vient de recharger, en termes de pile de radix, pour éviter que ça pète. Quand même, c'est des manœuvres. Donc il était en train de vérifier que tout était en train de chauffer bien comme il faut. Et donc tu as une personne, c'est un type qui doit avoir une quarantaine d'années, avec effectivement l'habit de travail classique, on va dire, des mécanos de l'OCG. Je vais aller vers lui, donc avec tous les gens autour, et je vais lui dire on prend le contrôle du vaisseau, on en est où là au niveau des constantes et tout est ok, il n'y a pas de souci. Tu veux rester avec nous ou tu pourras ? Et il tourne sa tête, il dit écoute, mais qu'est-ce que. Hein ? Tout est bien. Il se lève, droit comme un i, il a une espèce de petit calepin. avec bah, une checklist, tu sais, tout simplement, Ouais. À pointer. Hein. Évidemment. Il est là, il fait, bon, ben, tenez! Et il te pousse en fait son espèce de checklist avec son calepin, il te la pousse au niveau du ventre, juste, t'as juste le temps de l'attraper. Il fait bon ben, Okay. allez, et il s'en va comme si de rien n'était en essayant de rester le plus digne possible. Ouais, je laisse partir. C'est pas évident. Tout le monde le Ouais, c'est laisse se ça. barrer. Je vais Oui, se on le laisse barrer et puis barrer. je regarde la Hein. checklist, pas besoin Voilà, de en partant, on prisonnier entendait ou autre. grommeler. Mais c'est quoi ces bordels? De toute façon, j'ai pointé, hein. Y a pas de... Putain, j'espère que ça va pas me retomber dessus, cette merde. Commence à partir comme ça. D'ailleurs, t'as presque un petit sursaut en entendant un peu. Veuillez m'excuser, monsieur. Alors que toi, au niveau du sas, en train de guetter au niveau des quais belettes, t'as une personne qui t'interpelle comme ça. Puis tu vois un type de 40 ans en habit de mécano qui passe une fois que tu t'écartes. Bonne journée. Puis tu vois qu'il marche. Mais tu sais, c'est le gars qui marche à. Un peu de la marche rapide, tu sais, très très très très vite, pas très rassuré, mais en tout en faisant style, tout va bien. Ouais, Donc je au niveau crie du eh, bonne quai, journée. au niveau du quai, bah, tu vois que la plupart des personnes en fait se sont vraiment éloignées de la zone où vous êtes. Donc ils ont vraiment mis une bonne cinquantaine, centaine de mètres entre vous. Et c'est en train de gueuler, c'est en train de faire des signes, etc. Donc ça s'agite beaucoup. Tu te dis que vous avez à minima peut-être entre 3 et 5 minutes grand maximum avant de voir débouler tous les gardes de l'Astroport, quoi. Ok, du Harold, coup, moi commence je déjà retourne à prêter le les voir. vaisseau. Ouais. Le vaisseau J'attends que est Belette prêt, vienne il me manque plus dire qu'un nom et si. de choisir le capitaine. Oui, mais déjà, on va attendre que Belette revienne nous dire qu'il n'y a plus personne. Ouais, bah, je reviens effectivement et ouais, c'est bon. C'est vide, ils se sont tous barrés. Ok, première étape. Je sais pas si Je vais être j'allume Paul. les communicateurs hein, internes. Hein, nous avons le contrôle du vaisseau! Oh. Et ça commence à hurler la joie dans l'intérieur. Ça tape Maintenant, il sur va la carène. falloir choisir un capitaine. Évidemment, je me propose. Ouais. Qui est avec Barcenoir? T'entends des cris, des choses comme ça. Apparemment, les gens, ou ils se posent pas de questions, ou ils comprennent pas trop ce que ça veut dire. Moi, je crie barre, Eh c'est ben, je mets la main sur l'épaule d'un des gars qui était avec nous. Il fait, ouais, barre, ouais. Et bah on va récupérer une bouteille d'Ognol, hein, qu'il y avait peut-être dans le quartier ou autre, un hein, truc comme ça. Alors, comment on le nomme le vaisseau là? Là, les Le joueurs. Dragonfly? Je sais pas, mais. Je sais pas, moi. Alors, Hey, capitaine, moi je suis dans les checklists hein, pour le moment. Je m'assure que tout fonctionne bien et qu'il n'y a pas de Ouais, soucis. tout est bon, hein. Si tu veux, ou si vous êtes rejoint là sous le poste de pilotage, histoire de faire les dernières informations, vous êtes rejoint. Il y a deux personnes qui t'a laissé dans la salle des machines pour continuer effectivement de vérifier que tout est bon. Et tout est bon, hein. Là c'est en train de se. Ça, enfin voilà, tout est paré au décollage. Et la totalité, donc les six autres personnes qui vous accompagnaient, elles se sont agglutinées au niveau effectivement du couloir et dans le petit espace où vous êtes pour écouter ce qui se dit, participer. Il y en a un qui propose l'USS Banana. Okay. Moi, je reste sur le Dragonfly, hein, Captain. Hein. Ouais, j'ai bien entendu. Golden Babouche. Ok. Je vais rapidement, par contre. Bon, L'agneau pour l'instant, c'est le sanglante! Dragonfly hein, qui est. L'agneau Et je vais faire. sanglante! Je vais faire un discours, en fait. Hein. Rapide, Capitaine, s'il vous plaît. Je vais prendre un petit peu de hauteur, en fait. Hein. Je fais. Aujourd'hui, un nouvel équipage est né. Un nouvel équipage de pirates. Plus jamais nous ne serons emprisonnés, plus jamais nous ne serons soumis, et pour notre liberté, nous allons continuer sur le Dragonfly! Et je claque la bouteille par terre. Et j'allume le vaisseau, enfin j'enclenche la. Écoute, Dragonfly! ça y est, Dragonfly! Dragonfly! c'est décidé, vous avez un nouveau nom. Très bien, c'est baptisé. Bah écoute, tu claques la bouteille, tout le monde crie en chœur Dragonfly. Et ensuite, il faut finir la répartition des postes. Donc, il vous reste à attribuer une vigie, un canonnier, parce qu'il n'y en a qu'un, Bah, l'ingé c'est bon, ça c'est bon, et puis on est bon. Je crois les censeurs, c'est Belette. Je me mets pas naturellement trop en mauvais. censeur, moi. Hein. C'est là où je me Ouais, parce mettais que à chaque c'était fois. déjà où il était Ouais. dans l'ancien équipage. Il y a juste un canonnier qu'on n'a pas parmi les PJ. Final. Ok. Ah bah écoutez, Donc. il y a quelqu'un qui sait utiliser des tourelles laser. Donc, Ben. ils Il sont aille s'installer quelques-uns. là-bas. Il y en a deux qui peuvent utiliser tourelles laser. Donc très bien, vous en choisissez un des deux. Je vous laisserai proposer un Ouais. nom pour. Jacques le Manchot, pour vous servir. Je préfère ça que Jack le Borgne, hein, au niveau des canons. Voilà. Eh bien, écoutez, après ça, il va être temps de décoller, il me semble bien. Alors, comment est-ce qu'on fait? On va faire un test de pilotage vaisseau spatiaux, s'il vous plaît. Alors, je vais Ok. t'encourager à nouveau, hein. Qu'est-ce qui est encourageant, ce capitaine? Voilà, c'est ça, hein. Donc tu as le droit à 2 dés Merci, capitaine, supplémentaires à mais nouveau. quand je sors avec moi, je sens que je peux tout faire. Mais Ah bah oui, oui, et tu je peux tout faire, Harold, hein? Fallait juste qu'on croie en toi. Moi, je le savais. Oh là là là là. Bah écoute, en C'est le avant. stress, c'est pour ça, capitaine. Voilà, tu viens de décoller. Donc, alors que tu commences à t'élever, à repartir au-dessus, effectivement, donc tu as commencé à te diriger un petit peu sur l'eau, prendre la vitesse pour décoller, vous entendez les sons des fusils laser qui frôlent ou qui tapent, effectivement, qui rebondissent sur la coque de votre basique. Maintenant que vous êtes dans les airs, il va falloir trouver un moyen de faire en sorte de pouvoir ouvrir ces fichues portes blindées qui permettent l'accès au dôme et pour vous l'accès à l'espace. Dessus ou à Never, tu peux faire quelque chose, toi? Ça va être difficile à distance de prendre le contrôle du centre de contrôle. Je vois pas trop comment je pourrais arriver à faire ça. Non, non, ça va pas être facile. Et Et si le on temps de tire préparer dessus? quelque chose. Oui, Ah bah voilà. ça Sinon, on va pète ou tirer pas? dessus, Hein. Eh ben, tourelle, tire sur les Jack. portes. Hey Jack, ouvre-nous la porte. Alors, bah écoutez, je laisse l'un d'entre vous faire un test avec 4D6, s'il vous plaît. Mais est-ce que le capitaine, il motive aussi? Bah, je viens de Ah, il est motiver peut-être dans la même. Harold, je peux Ah, tu pas. peux pas motiver à tout bout de champ, mince. Voilà. Bah Qui sont à non. côté en plus. C'est Ah oui, c'est ça. vrai. Voilà. Oh bah putain, Jack, il Ah est bah vraiment c'est. manchot. Ah ouais, d'accord. Peut-être faire croire, Putain. capitaine, qu'on a des otages et qu'ils sont obligés d'ouvrir, sinon on les abat. C'est peut-être une possibilité. Bien, Jack commence à tirer. Ce qui se passe, c'est qu'il est en train d'abîmer sévèrement le dôme autour de la et la porte aussi. Hein. Il a tiré un peu partout. Il a mis une grosse salve sans trop se poser la question d'où est-ce qu'il allait faire feu. De suite, vous avez effectivement votre radio au niveau de la vigie, tout ça qui se met à grésiller. Et ici, la capitaine Reed Aldena, qu'est-ce que vous foutez, bordel? Ouvrez-nous cette porte, sinon on fait tout exploser! Il y a un petit blanc. Attendez, attendez! Ça grésille, en tant que ça gueule un petit peu derrière, ça échange plusieurs messages. Alors, si on ouvre la porte, vous arrêtez de tirer? Oui! Bon, allez, ouvre-leur, arrête, on va avoir des problèmes avec l'inspection 5, générale sinon. 4, Bon, non mais, je vais me faire virer 3, moi pour un truc comme ça, tu sais ce qui se passe si on se fait virer, c'est mort. 2, Attendez, est-ce que vous voudriez pas rester pour parler un petit peu? 1. Ils ont pas ouvert les portes? Bah Jack, feu à volonté. Eh ben écoute, vous commencez à tirer, vous commencez à tirer. Au moment où il y a une nouvelle salve qui part, effectivement, les portes, les énormes portes blindées, se remettent à coulisser pour vous faire un passage avant effectivement d'endommager la structure, ce qui malheureusement, pourrait être gravissime pour l'Astroport, puisqu'il n'y aurait plus de protection, ah, notamment oui. vis-à-vis de l'hypertempête. Harold, il va te falloir effectuer un nouveau test de pilotage vaisseau spatiaux. Puisque tu vas traverser à la fois la tempête et la petite porte, et surtout t'élever au niveau de l'orbite planétaire pour pouvoir rejoindre l'espace. Et ça va être assez complexe. Même si le vaisseau que vous avez tient beaucoup mieux et que vous n'avez pas de problème de turbulence, de trop de turbulence, ça reste quand même une énorme tempête de neige, une énorme tempête planétaire. Donc, à toi de réussir ça. Alors, la difficulté est beaucoup plus simple, c'est uniquement la difficulté 3 à bord de ce basique. Quand même t'encourager, hein. Ou pas. Ouf. Avec des bagues, capitaine. Voilà. Il a trop gueulé. Ouais, je suis encore en train de communiquer, là. J'ai compris, capitaine, j'ai compris. C'est bon. Alors, tu pousses les manettes des gaz tout doucement, et le vaisseau prend de plus en plus de vitesse. Vous commencez à traverser complètement la tempête, et il y a un éclair, en fait, peut-être un vestige d'Aldena qui essaye de vous arrêter, qui vient frapper la coque du basique, qui le fait complètement vrombir. Donc, à savoir à retenir dans un coin pour vous, puisqu'on partagera toutes les précisions et l'usage des vaisseaux spatiaux prochainement. Mais ça vous a endommagé la coque. Donc vous avez pris tout un tas de dégâts légers, en fait. Ça fait 3 dégâts légers sur la coque. Donc vous êtes un petit peu abîmé. Alors rien qui n'empêche le fait de voler ou quoi que ce soit, pas d'avarie. Mais ça vous a endommagé. Il faudra très certainement effectuer des réparations ou du rafistolage. Ok. Et okay. Vous voilà. Après à peu près 7 minutes en montée, vous êtes maintenant en orbite au niveau de la planète d'Aldena que vous pouvez regarder en dessous de vous encore. Depuis l'espace, vous commencez à atteindre ce bel environnement que pour certains d'entre vous, vous aimez tant. Et là, peut-être qu'une question se pose. Où est-ce qu'on va, Bart ? J'avais pensé à Exalia, parce que je sais que là-bas, on pourrait peut-être revendre notre minerai. Là où on avait été la dernière fois, en fin de compte. Hein. Je crois qu'il y avait une station du côté de Exalia. Je sais plus comment. Tu crois qu'il sera encore là, lui ? Bah, on s'en fiche que celui soit là. On doit juste trouver un acheteur pour notre minerai et de quoi réparer le vaisseau. Ok. Moi, ça me va, en tout cas. Peut-être embaucher un nouveau canonnier. Alors. Où va vous ? Écoutez, j'écoute le capitaine. Hein. Ouais, je suis en... Que là, on est où exactement sur la carte galactique en fait ? Alors, sur la carte galactique, pas que si tu la regardes, vous n'avez pas bougé, vous êtes toujours à gauche, donc au niveau du système exalien, puisqu'Aldena est dans le système, et d'accord. Sur la carte du système hein, qui est au milieu du grand écran, vous êtes, pour l'instant je ne vous ai pas bougé, puisque vous êtes toujours au même endroit. Mm-hmm. Donc il n'y a pas besoin de trop vous déplacer pour le moment. Bah écoute, allons-y hein. Je sais alors... plus comment elle s'appelait la station où on était allé... Sur la fin, avec quand on avait discuté, qu'il y avait eu la petite, petite altercation dans le bar, c'est ça là ? Ouais, c'est ça. Je sais plus le MJ, tout ça. Je sais plus où c'était quoi là. Où on était allé. Ah, il faut avoir de bonne mémoire quand même, bande de pirates. Ah, mais attends, Et on est passé, on a passé du temps en prison. On n'est plus. c'est des stations. Vous avez plusieurs exas. Exa 01, Exa 02. Mmh. Mais avant de commencer à réfléchir à ça, vous avez une voix féminine qui vient de sous le poste de pilotage. Et vous entendez... Eh, bande de ploucs ! Vous voulez vraiment qu'on se fasse descendre en arrivant sur Exalia ? Mais pourquoi tu dis ça ? Je sais pas. Peut-être parce qu'on vient de voler un vaisseau à l'OCG, qu'il a un code d'immatriculation, Peut-être qu'effectivement, on aura de la chance. Peut-être que toutes les patrouilles orbitales d'Aldena vont se mettre à nous coller au cul. Bah, écoute, on n'a qu'à demander à Never. Elle peut bien faire ça pour nous. Changer tous les trucs, vaisseaux, tout ça. Justement, j'allais y venir. Mes recherches avec lesquelles je suis parti permettent de faire certaines choses. Il me faudrait combien de temps pour adapter mes recherches au vaisseau actuel afin de pouvoir utiliser la capacité de mes recherches L'éternité. Que tu connais. L'éternité. Parce que le niveau technologique dont tu disposes n'est tout simplement pas suffisant. T'as pas en fait le matériel pour pouvoir le faire. Ah zut, dommage. Ok, donc il faudrait vraiment qu'on retourne sur les planètes libres ou autres pour pouvoir arriver à... Okay. Il te faut du matos adapté. Ok. En fait, j'avais pas eu le temps de vous le dire, mais les recherches sur lesquelles je travaillais avant de me faire spolier, c'était un système qui permettait de pirater les bases des capitaineries et de prendre l'identité de n'importe quel vaisseau et de se faire passer par n'importe quel vaisseau. Donc c'est super pratique. Intéressant. Sauf que malheureusement, il n'y a pas ce qu'il faut là pour pouvoir adapter ce système à notre vaisseau et ainsi le faire passer pour n'importe quel vaisseau du même tonnage. Donc pour le moment, je ne peux pas faire grand-chose tant que je n'ai pas accès à une technologie. Faudrait quoi? Aller dans le secteur de la Ligue des Planètes Libres? Oui, pour avoir accès oui, à la technologie, oui. Il faudrait pouvoir retourner sur une des planètes et afin de pouvoir récupérer tout ce qu'il me faut au niveau matériel et ainsi pouvoir l'adapter sur le vaisseau. Alors à savoir que comme ces recherches-là, je les ai récupérées, ils n'y ont pas accès et donc elle est unique, quoi. Il n'y a personne d'autre qui a cette technologie-là. Ils ne la connaissent pas énormément parce que j'ai bloqué rapidement les informations, donc on aura un avantage certain, mais oui, il faut retourner sur pas sur Coralia, mais sur parce que là c'est la planète principale, mais sur une des planètes où j'ai travaillé, quoi. Bon, capitaine, tu nous emmènes où alors? Si on doit aller par là-bas pour modifier tout ça, du vaisseau. Peur, hein. Oh, du vaisseau. Oui. Vous avez toujours cette voix en dessous du poste de pilotage. Mais t'es qui toi d'abord? Comment tu t'appelles à gueuler comme ça là? C'est qui me parle? Bah c'est Boulette. T'es où Boulette. Toi? Viens ici qu'on te voit là. Tu commences à entendre cling cling cling cling. Et tu vois dépasser derrière toi. Pour rappel, il y a les deux postes de pilotage. Il y a le pilote qui est assis sur son siège. Toi qui est à côté à la vigie et entre vous deux qui est un peu coincé pour essayer de faire un truc, Bart. Donc il y a strictement plus aucune place. Voilà, déjà à 3, s'il y a un moindre mouvement, Bart il se casse la figure dans au niveau de l'échelle. Bah, un morceau de tête au niveau de l'échelle qui descend, donc au niveau des pieds, des chevilles de Bart le Noir. Et Harold, tu reconnais la demoiselle qui t'a pris ton fusil. Quand? Ah. Je l'ai attendu. Non. J'ai peut-être un truc à vous proposer, les gars. Dis toujours. Comme je vous suis largement reconnaissant de m'avoir aidé à m'évader d'Aldena, je vous propose de vous conduire jusqu'à Port-Espérance. En tout cas, de vous filer les directives pour retrouver cette station qui se trouve dans la ceinture de débris. Ah bah voilà. Moi c'est Robin. Okay. Et merci encore pour cette belle évasion. De rien, Robin. Avec panache toujours. Ben mets-toi à l'œuvre. Trouve-nous les coordonnées. Et tu les files à Harold. Oui, alors comme on est en vol à vue, il faudrait que je prenne votre place, capitaine. Je lui laisse. Donc, il y a un petit jeu de chaise musicale pour redescendre au niveau de l'échelle. Et de fait, entre Belette et Harold, il y a une demoiselle qui se trouve maintenant, une femme qui est au mieux et qui te donne quelques indications, Harold, tout simplement pour manœuvrer en direction de la ceinture de débris. Et qui t'indique quelques points de repère en termes de déchets qui ont été jetés, de type de vaisseau, de manière à ce que quand tu les croises, tu puisses les suivre dans un certain ordre pour trouver un peu plus loin, effectivement, une station cachée, une station secrète, puisque c'est effectivement une station orbitale qui est réservée, qui a été montée par notamment des hors-la-loi. Donc elle te donne les indications nécessaires à pouvoir te balader dans la ceinture de débris qui entoure Aldena et trouver la station qui s'appelle Port Espérance. Suite à quoi, après, elle redescend par l'échelle et elle va aller tranquillement se reposer dans les quartiers. Ouais, bah, je vais remettre sur mon siège. Hein. Sortir un cigare et l'allumer. Eh ben, allons-y, Harold. Ouais. Voilà donc. En route, alors que vous vous éloignez d'Aldena, tu peux faire un test de senseur, s'il te plaît, Belette. Ok, chef. Alors, senseur... Hop, j'enlève les dés supplémentaires que j'avais d'avant. Les senseurs, c'était dans... Je sais plus, c'était dans quoi. C'est dans perception. Sur la droite. Ah oui, droite. C'est ça. Senseur. Voilà. Deux succès. Très bien. Eh bien, écoute, en t'éloignant, ça te permet, avec ton test de senseur, tout simplement de valider que personne n'est à vos trousses et que vous, effectivement, vous dirigez, vous allez être bientôt en plein milieu de la ceinture de débris. Donc, une fois à l'intérieur de cette nuée de débris qui encercle complètement la planète, vous allez pouvoir commencer à vous déplacer de manière plus ou moins furtive et surtout un peu folle. Puisque Harold va devoir effectuer quelques manœuvres pour ne pas se prendre les plus gros débris et abîmer encore un peu plus votre merveilleuse acquisition. Cependant, c'est au milieu de ces débris que se trouve un refuge pour les criminels du système, bien connu, qui s'appelle Port Espérance. Alors on sait qu'il y a un mythe, hein, comme quoi il y aura un truc qui existerait, mais bien évidemment, vu que c'est une station orbitale, qu'elle peut se déplacer dans la ceinture, on a du mal à la trouver, elle change de position régulièrement. Et pour l'instant, elle n'a pas encore été chopée ni détruite par le syndicat. Messieurs, après à peu près 2 heures et demie de vol, vous finissez par voir poindre au loin, à vue, effectivement, derrière, à travers tous ces débris, une étrange station qui doit faire à peu près une station d'environ 1000 tonnes, donc assez petite. Suffisamment petite pour passer inaperçue effectivement au milieu des débris si on ne sait pas comment s'y rendre ou si on n'a pas d'indication pour la repérer. Elle est assez étrange puisqu'elle a l'air constituée de l'extérieur un peu de briques et de broc, comme s'il y avait en fait plusieurs modules plutôt cylindriques qui avaient été rassemblés pour effectivement constituer cette petite station. Donc c'est vraiment tout petit. Ouais. Vous estimez à l'intérieur, là par rapport à la taille, on doit pas te... si on commence à dépasser la cinquantaine, entre 50 et 100 personnes, on commence à être vraiment très à l'étroit, très certainement. Donc, vous y voyez des docks, bien évidemment, avec des sas d'amarrage pour pouvoir vous y intégrer. Quand vous arrivez au niveau de Port Espérance, vous entendez au niveau de la vigie des petits bips sonores vous demandant bien évidemment d'ouvrir vos communications. On voit un canal de communication. Donc Gossed, Belette, c'est toi qui es à la vigie. Donc c'est toi qui es normalement au com. Bah, j'ouvre le canal du coup pour le capitaine. Ici, capitainerie Port Espérance. Qui êtes-vous? Et que venez-vous faire ici? Et pour combien de temps comptez-vous rester? Ici, le tout nouvel équipage du Dragonfly. Nous avons volé un vaisseau et nous cherchons pour l'instant à nous faire discret. Nous resterons quelques jours. Temps de réparer, de nous reposer. Et ensuite, nous repartirons. Eh bien, Dragonfly, ici, Capitaine Ray de Port-Espérance. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre charmante petite station. Vous avez, il me semble... hop là, ah, je le vois là. Le... merde, comment je vais dire ça? Vous avez un quai un peu plus loin sur quelque part à votre droite. Le sas... ah si, c'est le sas bleu avec la croix rose dessus. Voilà, vous pouvez aller là. Normalement, tout est bon. Allez, bon séjour et à la revoyeur très certainement à la cantine. Merci, capitaine. Capitaine Barcelon Noir, terminé. Après quelques manœuvres simples d'accostage, vous voilà, hop, amarré à Port-Espérance, une petite station dans la ceinture de débris d'Aldena. Vous êtes toujours dans votre vaisseau, vous êtes stable. Il est maintenant temps de savoir ce que vous allez faire, puisque vous avez plus de temps. Capitaine, ce serait pas le temps d'aller boire un coup pour fêter ça ? Nous allons prendre le temps de nous reposer, en effet. Je crois que nous avons subi aussi quelques avaries. Il va falloir les réparer. Ouais. Et Never, il faut que tu vois si justement tu peux reprogrammer les identifications du vaisseau. Ouais, je vais essayer de voir ça. Il faudra vendre peut-être aussi le minerai, voir si on peut racheter des composants ou autres quand on a besoin. Ouais. Et je pense que on a tous mérité de souffler déjà un peu, d'aller à la taverne et d'aller boire un bon coup de rhum. Ouais. Pour dormir de tout ça. Me tarde, ça fait bien longtemps que j'ai pas bu un coup. Tu m'étonnes. J'ai la gorge sèche. Hey. Et voilà, hein, on va... Je pense que, comme dit dans un premier temps, on va à la taverne, hein, parce qu'on a bien mérité. Super. Eh bien, écoutez, vous ouvrez les sas, vous laissez l'équipage... quels sont les ordres pour le reste de l'équipage? Est-ce qu'ils ont quartier libre? Est-ce qu'il y a quelque chose spécifique à mettre en place, à regarder? Une partie quartier libre, il y a peut-être une partie finalement qui va rester pour surveiller. J'imagine qu'on va pas laisser non plus le vaisseau sans surveillance avec notre gargaison. Hein. faire piquer le vaisseau. Mais voilà, et pour ceux qui restent en poste, hein, je leur dis tout de suite qu'ils auront droit à double ration de rhum quand ils seront en perme. Ok, bah écoute, il y a à peu près... la moitié de l'équipage qui décide de rester là. Donc sur vos 8, il y en a 4. Et il y en a 4 qui vont aller aussi prendre du bon temps, se reposer un petit peu avec les crédits qu'ils ont pu fouiller et récupérer effectivement sur l'évasion de votre station minière. Le Robin, quant à elle est bien contente d'être arrivée là. Et de fait, elle vous remercie. Elle vous remercie de l'avoir déposé. Et elle vous souhaite une bonne continuation. Eh ben, bonne continuation. J'espère qu'un jour on se reverra. Bah, si vous passez sur Exalia, il est possible que vous entendiez parler de moi. Bon vent à toi, on va éviter un peu le secteur, mais bon, on n'hésitera pas en tout cas. Allez. Elle vous dit que si jamais vous avez besoin de la contacter, il vous suffit de vous rendre au Triple Twister et tout simplement de la faire demander à une serveuse qui s'appelle Liz. Donc il faut demander à se faire servir par Nise, et voilà, si vous lui demandez où est Robin, elle pourra vous mettre en lien. Ça marche. Donc sur Axelia, hein, c'est ça, le Triple Twister. Ouais, donc le Triple Twister, il est sur une des stations qui sont à vendre, donc des stations de commerce. Donc c'est Exa 1, il me semble. Si on y est déjà allé sur le Triple Twister, oui. Nous. Ouais, vous y êtes déjà allé. Ouais. Oui. Voilà. Ce sera l'occasion de lui refaire un tour. Allez, et puis après, bah, elle va aller vers la cantine, elle aussi, pour simplement se reposer. Donc, voilà. Messieurs, quand vous quittez l'abri sûr de votre basique, vous vous sentez léger comme l'air. Donc, vous vous déplacez beaucoup plus vite, sans faire beaucoup plus d'efforts. D'ailleurs, je me souviens que vous avez un acrobate parmi vous, et vous voyez peut-être Harold qui s'amuse à faire des quadruples saltos. Il me semble que c'est lui. Ah ouais, je fais ça. Il a tout oublié en prison. Ouais. Ah, vous êtes pas mal en acrobatie, vous êtes pas mal en acrobatie. Donc voilà, vous pouvez vous amuser à faire des sauts, des vrilles, des loopings, ce genre de choses, puisque vous êtes sur une station dans laquelle la gravité est faible. Donc en gros, vous vous déplacez beaucoup plus vite, vous pouvez sauter plus haut, etc. C'est beaucoup moins fatigant. Voilà. Quand vous sortez, vous voyez que ça a l'air assez détendu. Vous avez à travers les gros interphones de la station une espèce de petite musique doucereuse, genre un petit peu cubaine qui est en train d'être passée. Alors c'est un truc qui passe, le son est de mauvaise qualité et tout ce que vous voulez, mais ça donne une ambiance très havanaise l'idée qu'on pourrait se faire des pirates. D'ailleurs, c'est assez étonnant. Quand vous croyez quelques habitants de la station, vous voyez qu'ils ont des vêtements et des tenues qui font écho et référence aussi à ce qu'on dit des gens qui habitent sur Havana. Et même, ils ont des noms plutôt chantants, plutôt hispaniques, donc comme les noms havanais. Comme quoi, les gens de Port-Espérance auraient très certainement adopté les noms et le mode de vie d'Havana. Donc la vie est vraiment douce, ça glandouille. Ça se prend pas le chou et tout va bien quoi. Bah c'est cool. Donc, faites attention. Fait cool. Voilà, de temps en temps vous faites un peu attention parce qu'il y a des petites fuites d'air à cause des raccords plutôt approximatifs des modules cylindriques de la station. Bon, comme on est plutôt à se laisser vivre, faut attendre qu'un truc pète pour aller voir s'il y a de la maintenance à faire. Donc de temps en temps on fait un petit peu gaffe vous avez tout loisir de vous balader. Alors c'est vraiment tout petit. Encore une fois, donc vous avez une zone avec quelques quartiers résidentiels, une zone un petit peu centrale où vous allez retrouver quelques entrepôts avec notamment la grande cantine et bien évidemment les docks par lesquels vous êtes arrivé. Donc les docks, vous avez vu aussi un petit poste de contrôle où doit se trouver la capitainerie. Comme vous êtes sur une station hors la loi, vous ne savez pas vraiment si vous devez aller voir la capitainerie pour payer votre droit de quai, tout simplement, pour le temps que vous restez, ou si vous allez vous faire attraper, mais de toute façon, il va falloir payer quelque chose. Hein. C'est jamais gratuit d'être quelque part. Oui, bah, moi, en tout cas, je m'enseignais déjà un peu à la taverne. S'il y a quelqu'un qui serait intéressé par un conteneur de minerai, hein. D'argent pour dire de pouvoir payer après tout le reste. Il est un peu alors là, t'as... Speed, en ce moment. Oui. Donc vous allez au niveau de la cantine, donc vous avez un espace plutôt agréable avec bien évidemment de nombreuses baies vitrées qui donnent vue sur la ceinture de débris et en fonction de l'orientation de la station sur Aldena. On peut deviner des planètes lointaines qui brillent du système d'Exalia. Il y a tout un tas de personnes, il y a une quinzaine de personnes, 15-20 personnes qui sont à l'intérieur. Principalement des gens de la station. Les visiteurs sont plutôt rares. Vous avez très certainement des gens qui sont là aussi parce que vous n'étiez pas le seul vaisseau qui était accosté. Écoute, Bart, tu peux effectivement te renseigner un petit peu. Alors tout ça se fait bien évidemment avec illégalité. D'accord. Si tu veux avancer. Ah ouais. dans ces tests-là pour te renseigner auprès de personnes qui sont prêtes à te répondre pour revendre de la marchandise. Capitaine, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je peux vous aider là-dessus. Hein. Ah, bah ouais, je veux bien que 3D. Bon, j'ai quand même fait deux succès avec 3D. Ouais, bah, c'est pas trop mal, mais je veux bien un coup de main de Harold, du coup, s'il est meilleur que moi. Bah écoute, vous commencez à échanger avec des gens de la cantine. Toi, Bart, bah écoute, tu t'adresses directement au gérant de la cantine. Donc c'est un mutant aux propriétés amphibiennes. Donc il a un beau visage bleu avec de belles joues et de belles branchies. Celui-là même, écoute, t'indique que bah, c'est pas vraiment sur la station, c'est pas ici que tu vas pouvoir faire les meilleures affaires. Hein. Ici, c'est plutôt un lieu pour effectivement se faire oublier, peut-être préparer quelques coups, mais il a pas trop l'habitude. Alors, donc lui, tu apprendras qu'il s'appelle Alfonso et il fait partie des gens qui ont créé Port Espérance. Il y a aussi des gens qui ont participé à sa fondation, à son financement, qui sont des hors-la-loi, en fait, plus ou moins connus, ou qui étaient plus ou moins connus au niveau du système. Voilà lui ce qu'il pourra t'apprendre. Et que, donc, d'après lui, le meilleur moyen, ce serait de vous rendre sur Exalia et de trouver quelqu'un avec qui faire affaire. Après, il n'a pas eu trop l'occasion, pour l'instant, d'échanger avec toutes les personnes qui étaient de visite, de passage. Vous avez peut-être... Allez, trois équipages comme vous de visiteurs. Donc avec vous, il y a quatre équipages de visiteurs. D'accord. Il te dit en même temps que, puisque tu viens d'arriver, il te demande si tu as bien pensé à aller payer ta taxe de séjour à la capitainerie. Bah, est-ce que j'ai les moyens de la payer? Voilà. Et vous avez des crédits. Ouais. Donc, ouais, on a un peu de crédit. Ouais, bah vous avez des crédits, vous avez récupéré des crédits. Vous avez récupéré un ouais, crédit. Donc bah, à ce moment-là, oui, je vais le payer. Hein. Si je sais que j'ai de quoi le payer, je pense que je le sais. Quelque chose que je sais, donc oui, j'aurais été m'acquitter de suite de ça. Allez, je te mettrai dans le chat combien il faut que tu regardes, il faut que tu déduises de crédit sur le trésor du vaisseau. On n'a pas regardé s'il y avait déjà des thunes dans le vaisseau en lui-même, tu vois. Peut-être qu'on a embarqué, on n'a pas fait gaffe. Ouais, parce que moi, crédit, j'ai rien. Hein. Et si vous allez y voir maintenant, 50 balles. Hein. Il n'y aura pas grand-chose. Ah ouais? Ah mince. Ça. Peut-être que au tout début, quand vous êtes arrivé, il y avait un petit coffre, il y avait des petites bourses, mais maintenant, il n'y a plus grand-chose. Robin, oh la Robin, saloperie. Ah non. C'est toi qui as fouillé le vaisseau. Eh Belette, c'est toi qui as fouillé le vaisseau. Ouais, alors j'ai c'est juste toi qui cherché est dans la colle. C'est tout, j'ai pas cherché. Ouais, il est venu avec toi, après il est allé voir ce qui se passait à l'entrée, voir s'il fallait pas mitrailler. Est-ce qu'on a vu Robin partir avec un petit coffre avec elle, un gros baluchon. Oh merde, putain. Bon, après, on avait récupéré un peu de crédit sur les gardes, je crois. Oui, vous aviez récupéré un peu de sous. Donc, quoi qu'il arrive, en tout, vous allez avoir suffisamment pour rester. Surtout que j'ai soif. Bah voilà, je vais m'acquitter de ça. Bah, buvez, moi je vais m'acquitter de ça et puis je vous rejoins après. À la santé du capitaine! Exact. Donc, quand. Ah, cette gnoule. Alors, c'est. Ouais, on va dire pour quelqu'un qui n'a pas bu d'alcool depuis un moment, elle est bonne. Sinon, sinon, bon, ça débouche les toilettes. Voilà. Ça fait plaisir. Parce que la flotte m'a fait quand même bien chier pendant tout ce temps. Harold, tu voulais toi aussi essayer de te renseigner auprès des équipages qui étaient dans le coin, enfin, des autres personnages peut-être d'intérêt. Ouais, j'essaye de voir. Je ziote, j'écoute un peu, je vais parler, je me présente, je joue aux cartes. Ouais, écoute, voilà, j'essaie de. Tu as l'égalité, toi aussi. Let's go. Quant à. Hop, de succès aussi. Empire. Belette, s'il te plaît, Oui, c'est moi. Je vais te demander oui. un test d'athlétisme, s'il te plaît. Un test d'athlétisme. Athlétissons, alors. Un succès. Ouh oh, putain. Ah, c'est bon, ça. J'ai trop bu, je crois. Alors, tu commences un petit peu à boire, mais au-delà de ça, tu t'es lancé avec d'autres membres de votre nouvel équipage dans des concours de bras de fer. Oh. Bah, écoute. Alors, ils sont plumés. Voilà, histoire d'amuser un petit peu la galerie. Toi et tes gros bras. Ah bah là, ils ont pas grand-chose dans le sac, non. Mes bras. Non, non. Nev, est-ce qu'il y a une action particulière que tu souhaites faire à la cantine? Alors, Nev, elle boit pas d'alcool, mais elle a conservé une tablette avec les caractéristiques du vaisseau et elle commence déjà à regarder les caractéristiques du vaisseau, voir comment elle peut modifier certaines choses et tout. Elle est déjà dans le... Elle a du mal à se divertir, donc elle est dans sa tablette en train de regarder les caractéristiques du vaisseau, voir ce qu'elle peut traficouiller, modifier les codes, comment ça fonctionne, se mettre à jour. C'est pas une technologie, enfin, j'avais pas accès à cette technologie-là exactement quand j'étais dans les planètes libres, donc je me mets à jour. Ok, bon, c'est dépassé. Hein. Ouais. C'est surtout que tu travailles sur des systèmes de pointe, donc voilà, c'est pas compliqué à comprendre, hein. Mais ouais. C'est peut-être embêtant ou c'est peut-être dépassé, c'est un petit peu has-been ouais, comme façon de faire. T'avais l'habitude d'avoir des choses quand même bien plus sexy sur lesquelles bosser. Du coup, tu commences à regarder, il y a des choses qui vont être possibles. Tu t'entends au fin fond Belette qui lève sa chope et dit bah Never là arrête lâche ton truc et viens picoler avec nous. Alors là je raconte non mais faut que je finisse de regarder mes trucs là t'es pas doué en bras de fer Belette hein, tu me déçus hein. Ouais. Bah, gagne un bras de fer et on en reparle. Oh putain. Moi j'entends Belette en train d'alpaguer tout le monde dans le bar pour venir. Moi je suis en mode non, je me casse. Et je commence à partir pour aller déambuler dans la station, essayer de voir s'il n'y a pas des marchands, des trucs dans le genre, d'autres contrebandiers. Tu vois, et justement, tu vois quelques personnes amusées. Et alors que tu t'éloignes, il y a une personne qui te fait un signe de la main, Harold. Un membre de votre équipage. Et donc tu vois effectivement cet humain avec sa belle moustache et son bouc qui se tient amusé. Il est accompagné d'autres personnes et d'ailleurs il fait signe aussi il accorde un signe de main à Bart et aux autres membres d'équipage qui sont en train de faire la fête. Donc vous avez un groupe de personnes, il y en a 2-3 comme ça qui vous saluent avec un verre, dont cet homme. Mmh. Bah on va le rejoindre à sa table, et Carole, je pense. Mmh. Ouais. Bah écoutez, quand vous le rejoignez, ils sont accoudés au niveau d'une baie vitrée. Donc c'est que des humains. Donc il y a cette personne-là, et il y a une dame blonde et un autre homme un peu plus grand qui doit faire un bon 1m90. Et assez fin, assez filiforme. Ah, j'ai cru comprendre à travers la capitainerie que vous étiez l'équipage du Dragonfly, c'est ça? Tout à fait ça. Ouais. Capitaine Bars le Noir, pour vous servir. Enchanté, capitaine. Belette, pour me servir. Il te tend la main. Et ça arrête de le servir, surtout. Ouais. Il te dit « Capitaine Marcus Tench ». Enchanté. Et je suis moi-même à la tête du voyant que nous pouvons voir. Hop, il se tourne en direction de la baie vitrée et il se penche un petit peu. Il indique une direction dans le dos. Alors, il faut un peu se tordre le cou par rapport à l'orientation de la station, hein, puisque, effectivement... il est accosté dans un tout autre endroit. Et vous avez peut-être la surprise de voir un vaisseau qui pourrait faire saliver un jeune équipage tel que vous. Puisqu'il s'agit d'un yacht de luxe issu de l'Empire de Sol. C'est un Solaria 400. Voilà. Alors, bien évidemment, aux couleurs. Alors, il est complètement rouge, avec des dessins et des symboles noirs un petit peu partout qui le strient, et notamment des yeux, des grands yeux. Et vous voyez donc effectivement le Jolly Roger avec une sorte de crâne comme un cyclope, avec comme s'il était luminescent derrière. Voilà. Jour on aura comme ça. Voyant. Ouais. Hop. Mélange. Oui, et eh oui, petit gars, ça fait longtemps que vous êtes dans le milieu. J'ai l'impression que votre basique a une allure, ma foi, bien tristounette. C'est basique, hein. Ce n'est que temporaire, ami. Donc, pour l'instant, on a récupéré ce vaisseau. Et pour être honnête, on vient à peine de s'évader des mines de l'OCG. Et on a constitué cet équipage. Belette et moi faisions partie de l'équipage du Kraken affamé. Vous connaissez, sous les ordres du capitaine Bartholomew. Le Kraken affamé. Bah écoute, il va faire un test. Qu'il en a déjà entendu parler. Oh, succès. Évidemment. Bah écoute, te dis, ce nom me dit quelque chose, effectivement. Il me semble avoir déjà entendu, tout comme le nom de votre capitaine. C'est étrange de dire capitaine à un capitaine. Ancien capitaine, oui. Et je serai très heureux, ainsi que Maria ici présente et Gustave, je pense, d'écouter votre histoire. Enfin, sauf si vous avez mieux à faire. Il n'est pas mieux à faire. Et comment refuser une belle dame de lui raconter mon histoire? Notre histoire, capitaine, notre histoire. Oui, notre histoire, tout à fait. À son donc, nom, Marcus Stench, petite question, est-ce que ça évoque quelque chose à l'un d'entre nous, peut-être? Moi, je... Il a je suis assez dubitatif. Il n'est pas particulièrement connu. Donc, il n'est pas suffisamment glorieux pour pouvoir faire en sorte que vous ne le connaissiez. En tout cas, pas ici. Ok. Donc, son nom vous dit strictement rien. Ok. Donc, avec Belette, nous faisions partie de cet équipage. Et nous avons été attaqués, peut-être trahis, capturés. Et Belette et moi, nous sommes retrouvés à travailler dans les mines de l'OCG. Ça a duré quelque temps. Nous avons rencontré notre nouveau pilote, Jésigne Harold. Et tout mélangé. Jésigne Never. Et cela fait même pas 10 heures que nous regoutons à la liberté. Et je lui raconte comment on s'est évadé de la mine, comment on a traversé la tempête à bord. Donc c'était un Atmo, hein, c'est ça. Hein, ouais. Voilà. Qu'on est arrivé là-bas, qu'on a récupéré justement ce basique et qu'on est arrivé quasiment directement ici pour se faire oublier. Ah bah écoute, ils sont totalement abasourdis par votre histoire entre la tempête et ils vont vous raconter un petit peu aussi eux leur dernière pérégrination, hein, lors de pirates tout à fait classiques, hein, des abordages, récupérer de la marchandise, etc. Et vous allez passer, sauf si vous êtes contre, mais vous serez relativement invité et je dirais influencé à faire une jolie petite fête pendant quasiment toute la nuit. Ce qui fait que vous allez passer la soirée à boire de l'alcool, à bien manger, en tout cas manger les espèces de rations et les quelques brochettes qu'on trouve par ici. Chanter, danser, et ça va amener pas mal d'animation. Parce qu'en fait, dès que vous allez commencer à faire un petit peu la fête, vous allez voir que les habitants de la station qui étaient là, bah, ils vont pas se gêner pour trouver que ça comme étant une super bonne idée, hein, au mode avané. Et puis ils vont rameuter à peu près tout le monde. Donc il va y avoir quasiment 80 personnes au niveau de la cantine, donc blindés de chez blindés. D'ailleurs, La cantine, donc qui s'appelle Bienvenido, c'est le lieu le plus spacieux, c'est le plus grand lieu de la station. Allez savoir pourquoi. Étonnamment, on peut tous y rentrer là-dedans. Et il y a une espèce d'énorme fête au niveau de la station qui va se tenir. Donc, chose intéressante, quand on fait une fête, quand on fait des fêtes pirates, c'est que ça a plein d'effets bénéfiques. Déjà, ça vous remonte le moral. Et puisque c'est comme ça, et qu'on est un peu sur un entre-deux, que vous allez repartir, vous allez pouvoir regagner à travers cette fête la totalité de vos points de panache. C'est-à-dire que vous repassez à 3 points de panache, et donc Never Again et Harold, vous qui n'étiez pas tout à fait officiellement des pirates, maintenant, on peut dire que c'est le cas, puisque vous avez participé à une vraie fête pirate, oh, oui. Vous avez vous aussi vos 3 points de panache. Donc vous passez un super moment. Alors, fais quoi d'être pirate, hein? Goûtez cette liberté. C'est un peu fort quand même. Non, c'est pas mal. Mais oui, je fais une grande tape dans le dos, Harold. Eh oui, c'est très bon cette liberté. Pendant cette fête, si vous le souhaitez, si vous le souhaitez pendant la fête pirate, vous avez pu effectuer ou bien pour impressionner un petit peu les gens, pour profiter, donc comme vous voulez, vous pouvez effectuer un test de danse, ou bien au choix un test de séduction. Ou bien un test de jeu. L'un des trois, si vous voulez participer à quelque chose autre que simplement se bourrer la gueule et faire un peu n'importe quoi en s'amusant. Ah, moi, il faut que je reteste mon charme, donc ça va être la séduction. Hein. Ouais. Ça fait tellement longtemps, voilà. Faut que je vois si le charme de Barf le Noir agit toujours. Oh, il agit bien, hein. Oh là là là là, le capitaine, ouais, que fort, veux-tu, hein. Très bien. Les autres, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez danser? Vous voulez faire des paris, enfin des jeux, des jeux de cartes. Je vais continuer des à jeux. Faire mes allez, bras allez. De fer et allez, essayer allez, justement de gagner mon bras de fer pour que Never enfin elle commence à picoler quoi. Alors donc tu dis quoi? C'est athlétisme moi, c'est ça? Et au jeu, bah, oui, jeu. Là, tu vas faire avec jeu parce que tu t'es réveillé. Tu t'es réveillé comme il faut là. D'accord. Allez, c'est bien. Très bien. Nev, qu'est-ce que tu fais de ta soirée, enfin de ta nuit? Si Velette a réussi ses bras de fer et ses jeux. Non, il va en gagner un table. Je vais allez, Never. Mais oui, c'est important. Et je vais vomir, je pense. Donc, voilà. C'est le métier qui rentre, ma petite. Bah ouais. Harold, qu'en est-il pour toi? Alors, moi, ce genre de soirée, c'est un peu inconnu pour ma part. Je prends plutôt mes marques en écoutant les gens, en faisant d'accord, ok. Plutôt en essayant de palper un peu l'endroit, voir s'il n'y a pas des personnes qui seraient plus à l'écoute pour nous aider, ce genre de choses. Tu vas faire un test de détermination, s'il te plaît. Détermination, c'est oui. Déter. Alors, c'est difficulté 5. Ah ouais. Parce qu'il est, il est très difficile à l'heure actuelle de résister au fait de faire la fête. Parce que tout le monde fait la fête, vous avez été libéré et compliqué. Ouais. Je vais te présenter une ou deux filles à Harold, hein. Je vois qu'il est tout seul dans son coin et puis il va venir, je fais hey, les filles, non, je vous présente gens, Harold, le meilleur pilote dont j'ai jamais entendu parler. Ah oui, c'est clair. Hein. Il a traversé une tempête légendaire. Oh, c'est joli, mais c'est insuffisant. C'est bon. Salut les filles, mais ça va? Au début, tu tiens, tu vois, t'as tout le monde qui est à côté de toi, qui boit, qui chante, donc ils t'entraînent un petit peu, donc tu danses un petit peu avec eux, tu bois, tu fais style, tu bois une petite gorgée, tu vois, pour rester comme ça, essayer de prendre des trucs, tu chantes, tu te fais un peu chahuter, tu rigoles, on t'invite à une partie de cartes, tu commences à jouer, puis tu poses des questions. Et de fil en aiguille, à un moment donné, tu sais pas ce qui se passe, mais t'as un verre dans la main. Ta Belette à côté de toi, vous êtes bras dessus, bras dessous, avec d'autres personnes sur une table en train de danser. Et tu sais pas ce qui se passe entre les deux, quoi. J'ai beau boire un petit coup et faire la fête. C'est pas ça que je vais faire. Donc vous passez vous faites une belle fiesta, une belle fête pirate, donc vous profitez bien comme il faut. Et tout cela va nous amener au petit matin. Au petit matin, vous vous réveillez tous plus ou moins dans des lieux assez différents. Neve, tu te réveilles avec la gueule de bois dans effectivement la salle des machines, mais pas de votre vaisseau, du Solaria 400. Du voyant, voilà. T'as d'autres personnes qui sont à moitié bourrées, alors tu sais, vu la tronche et tout ça, tu te doutes les mains crasseuses et tout, que ça doit être des mécanos aussi. Belette, d'un seul coup, tu te réveilles un peu d'un sursaut avec tout un tas de montagnes de cadavres, de bouteilles autour de toi et de nombreuses personnes, effectivement. Alors, il y a une petite montagne de crédits, de carburant. Tu as passé la soirée, effectivement, tu as dû gagner quelques paris, en perdre d'autres, mais tu es un peu dans la masse de corps comme ça qui émerge tout doucement. Bart, toi, on te verra sortir de l'habitation d'une habitante de la station, le sourire aux lèvres en sifflotant. Ou d'un habitant de la station, peu importe. Ou alors d'un et d'une, hein, vous pouvez être plusieurs, vous pouvez être habillé, vous faites ce que vous voulez. Voilà. En tout bien, tout honneur. Quant à toi, Harold, bah, tu vas te réveiller aussi dans la cantina, tranquillement, bien installé, hop là, sur une des banquettes, tranquille, avec les yeux, quand tu ouvres, rivés sur l'espace infini et les mouvements des astres pour bonjour. Mort désastre en un seul mot. C'est le désastre. Pour l'instant en deux, mais attends quelques minutes. Donc vous vous souvenez petit peu de ce qui s'est passé la veille. Vous vous retrouvez, j'imagine tous, vous revenez vers la cantine, puisque c'est le dernier endroit dont vous vous souvenez avoir été ensemble. Vous avez passé. J'ai retrouvé mon équipage, moi. Voilà. Une nuit mémorable. Donc, tout le monde commence à un petit peu faire du ménage et tranquillement. Alors, faire du ménage, c'est mettre les trucs de côté, hein, soyons francs. Voilà. Il y a préparé, il y a des grosses gamelles une sorte de gruau un petit peu avec. Alors, c'est pas de l'agneau, ça sent aussi fort et ça a un goût encore plus exécrable, mais apparemment, c'est un truc fait pour se réveiller de la gueule de bois. Bon, c'est ce qu'ils font ici. Donc, le petit déj est servi. Le meilleur petit déj. Voilà. Et donc vous vous souvenez un petit peu de ce dont vous avez échangé avec Marcus, notamment son équipage et tout un tas de personnes. Donc ce que vous avez appris sur lui pendant la veille, qui émerge, c'est que son Solaria 400, il l'a gagné au jeu. Donc quand il était sur l'Empire de Sol, il y a un pari en fait avec un noble solaire. Un pari en entraînant un autre, il a fait que monter la mise. Et d'une certaine manière, il a gagné en fait tout simplement un montant suffisamment excessif pour pouvoir presque revendiquer une planète, mais il en voulait pas. Donc il a négocié tout simplement pour à la place que le noble lui donne son Solaria 400. Il n'empêche que, quoi qu'il arrive, une fois quitté l'orbite de la planète, le noble a déclaré qu'il s'était fait voler, et donc il fait partie des gens, des quelques pirates, il y en a tellement. Tous les pirates qui rentrent sur l'Empire de Sol sont recherchés. Mais voilà, il y a un vague système. Sur lequel il vous a donné le nom, il vous a même donné les coordonnées, même si ça reste nébuleux, mais si jamais vous voulez l'échanger pour lui redemander, vous aurez les coordonnées d'un système sur l'Empire de Sol où il est recherché et où il est un peu plus connu. Voilà. Et tout ça l'a amené à vous parler d'une autre affaire qui l'embêtait en ce moment, puisqu'il a lui-même toute une cargaison, notamment à revendre avec des vêtements de luxe, des bijoux. Cargaison, bien évidemment, qui proviennent aussi de l'Empire de Sol, à revendre. Mais son reseller habituel, enfin son reseller, son acheteur, puisqu'il passe par des moyens légaux, qu'il a des papiers, un bon de douane, etc. Malheureusement, il s'est avéré que, sans le savoir, il a batifolé avec son épouse. Donc, il est un peu en froid avec son acheteur actuel. Et il cherche justement à revendre sa marchandise parce qu'il y en a pour un paquet de crédits. Mais il ne peut pas le faire parce que s'il se pointe, il va se passer un truc. Pourrions être de très bons intermédiaires. Exactement. Mais oui, c'est, ce que, Et c'est souvent exactement les mots que tu as utilisés quand vous étiez tous deux à moitié sous en train de parler de vos durs vides capitales. Tu sais, moi, c'est un coup de main, hein. Moi, je la revends, ta marchandise. Je garde un petit pourcentage, hein, évidemment. Moi aussi, j'ai du minerai à vendre, hein. Je sais pas si ton gueux pourrait être intéressé. Et puis, voilà, échange de vos procédés. Donc, ce qu'il il te dit que c'est une bonne idée. Mais à l'écoute de ton histoire, il a cru comprendre que vous alliez avoir deux problèmes. Enfin, plutôt un problème, surtout plus précisément, c'est le fait d'être recherché dans le système Exalia. Et en plus de ça, avec un vaisseau qui, disons-le, n'est pas vraiment sexy. Or, un pirate qui n'a pas le style, c'est pas vraiment un pirate. Bah, c'est ça. Ça, on n'a pas le vaisseau pour. Étant devenus les meilleurs amis du monde, de la galaxie tout entière... Évidemment, on est des frères. Exact. Vous avez convenu de la chose suivante. Vous allez faire un échange momentané de vaisseaux. Ouais. Donc, au niveau de son Solaria, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir y déposer vos conteneurs de minerais. Il y a encore un peu de place. Bien sûr, vous ne serez que tous les quatre avec le reste de son équipage. Et donc, lui-même, avec quatre membres de son équipage, pour vous remplacer, il prendra votre basique. Donc, de votre côté, en vous faisant passer au niveau de la capitainerie, vous allez en fait faire croire que toi, Bart, tu vas te faire passer pour Marcus Stench, tu vas dire que t'es lui, en fait. Ouais. Vous allez aller sur Exalia. De là, vous allez rencontrer son acheteur, sauf que son acheteur, vous en foutez, vous ne lui dites pas que vous êtes Marcus, hein, c'est juste pour pour rentrer au niveau de la capitainerie, pour pas qu'il y ait de soucis. Ouais. De là, vous allez revendre la marchandise. Si vous voulez revendre votre minerai, vous pouvez le faire tout à fait. Voilà. De toute façon, c'est que des conteneurs à transporter. Du moment que le type voit pas le vaisseau, il n'y a pas de souci. Mmh. Voilà. Il faut vous débrouiller pour revendre la marchandise sans que le gars ait accès, il n'est pas vu au vaisseau, pour qu'il comprenne qu'c'est une vraie fausse entourloupe, quoi. Mais il sait que cet acheteur-là, ce genre de produit, il va les acheter à très bon prix. Donc vous revendez sa marchandise, vous revenez ensuite sur Port Espérance de son côté. Alors avant de revendre la marchandise, là, chose intéressante, avant de vous barrer, il faut aller effectivement sur le comptoir au niveau d'Exa. Il y a un comptoir tout simplement parce qu'il a une compagnie, il est coté. Donc il a monté une compagnie pour pouvoir faire du commerce légalement, et donc la totalité, en fait, 80% de ce que vous allez récupérer en fric, il faut aller le déposer sur son compte. Ok. Voilà. D'accord. Donc il y a un comptoir. Et nous, on garde les 20% qui restent. Ok. Alors c'est pas tout à fait ça. Ah. J'aime pas trop ça. Donc vous allez au comptoir déposer les crédits sur le compte, et les 20% qui restent, c'est très simple. Ce qui va se passer, vous allez récupérer 5%. Donc lui, il a besoin de 15% pour tourner. Mais lui, de son côté, il se barre avec votre basique. Ok. Le basique, lui, pendant que vous faites ça sur Exa, lui, le basique, il va notamment sur une autre station qui est pas loin, qu'il connaît. Et il va aller voir un de ses copains pour tout simplement récupérer un code d'identification valide. Ah. Et en plus de ça, il vous met un petit coup de peinture à l'œil. Ah bah ouais, tant qu'à faire, un petit coup de polish aussi. J'avoue que... Il vous garantit pas que le vaisseau soit la peinture ultime pour vous, mais il demandera un petit truc sympa. En tout cas, c'est sûr et certain qu'avec un nouveau code valide pendant un temps et une tête de vaisseau différente, vous pourrez vous balader de manière beaucoup plus sécuritaire dans le système et où vous alliez. Et donc, si tout se passe bien et que en plus de ça, effectivement, quand vous vous retrouvez, tout est bon, peut-être, et c'est pour ça notamment que vous avez que 5%, que tu as accepté que ce soit si peu, peut-être à ce moment-là, mais seulement peut-être, il acceptera en fonction de te donner, à barre, de te transmettre les coordonnées d'Havana. Ah oui, oui, non, bah c'est vrai qu'on a que 5%, mais en fait, on a beaucoup de choses à côté qui sont quand même fortement intéressantes. Mmh. Alors, il a 5% de sa cargaison, mais après, nous, notre minerai, il est pour nous. Oui, vous en faites ce que vous voulez, ça, ils s'en foutent. Voilà. C'est la vente du minerai, fois, ok, ça marche. Bon, bah, ça. Comment il s'appelle son gars? Alors, son gars, il s'appelle Denis. Il s'appelle Denis et donc sur Exa 01, il a un entrepôt de recel qui s'appelle la tête dure. Denis la tête dure, la ça marche. La tête dure. Et il vous dit de pas vous inquiéter quand vous le verrez, mais il est surprenant. Exa 01. Ok. D'accord. Donc, on récapitule. Donc nous, on va à 4 sur son vaisseau. On le prend, on va sur Exa 01. On va voir Denis. Denis ne doit pas voir le vaisseau. On lui vend la marchandise. Et ensuite, où est-ce qu'on retrouve Marcus? Alors, vous vous donnez une date. Alors, vous allez vous donner une date. On va faire ça simple. On va pas faire les calculs d'apothicaire. Vous dites que vous avez 3 jours pour faire tout ça. Donc comme c'est des déplacements interplanétaires, c'est à côté. Donc en gros, dans 4 jours, là vous allez partir en même temps, et dans 4 jours, vous vous retrouvez à Port-Espérance. Ça marche. À 5 jours, voilà, si jamais il y a un petit souci. Oui, oui, après il y a un temps d'attente. Hein. Mais normalement, s'il y a un souci, vous allez vous retrouver quand même en infériorité numérique dans son vaisseau. Oui, non, mais on n'a pas l'intention de le doubler. Hein. Je veux dire, à un moment, il y a un code pirate. Hein. Voilà, en tout état de cause... c'est donc lui c'est un Milton aussi, mais en tout état de cause pour le faire fonctionner il faut beaucoup plus de monde que pour vous, donc vous allez être 4 pélos contre 40 ou 50 contre une cinquantaine de personnes, donc ça risque d'être compliqué de prendre le vaisseau. C'est aussi pour ça qu'il a largement accepté, comme le rapport s'est bien passé, il a pas de souci à vous faire ça quoi. Ouais, de toute façon, on est pas là pour c'est un Milton hein. C'est pas un 100 tonnes, c'est à dire que lui son engin il fait 100 mètres hein. Ouais, non, mais voilà. Bon, en tout cas, on n'avait pas l'intention de le doubler. Là, on veut se refaire. Dira, même si j'aime beaucoup son vaisseau. Bah, voilà, c'est ça. On aura le nôtre, mais voilà. On l'aura soit gagné, soit pris. Mais voilà, ce sera pas un pirate. Je veux dire, à un moment. On a le code donné en pirate, merde. Hein, c'est ça. Voyons. Très bien. Et donc, quand vous êtes au comptoir de la bourse, notamment, donc tout simplement, la bourse galactique, hein, le comptoir de la bourse galactique, sa compagnie sur laquelle il faut verser les sous, ça s'appelle le Voyant Vert. Alors... Okay. Donc, quand on aura vu Denis à la tête dure, qu'on aura vendu la cargaison, on pourra vendre la nôtre par la suite, et plus tard, on versera 80% de la somme de la vente de ce que lui nous a donné, qu'on laissera justement au Voyant Vert. Les 20%, on les ramène à Port-Espérance, on lui en donne 15, on récupère 5, et notre vaisseau tout bien, tout beau, peint et avec un nouveau code. Un code, ouais. Avec un support pour boîte à cigares. C'est sur quelle planète déjà ça? Alors, voilà. On va sur Exa 01. Voilà, et c'est sur Exa 01. J'ai pris des notes. Capitaine, voilà. Il a tout noté. j'ai pris des notes sur ma fiche de perso sur le drive, si jamais. C'est okay. Bien, il a de la chance le capitaine, il sait écrire. Moi je sais pas. Ça fait partie des stations orbitales. Assez gigantesque d'Exalia qui sert notamment Exa 01 à faire pas mal du commerce aussi, tout comme Exa 00. Voilà. Exa 02, celle-là vous le savez aussi, elle est connue, donc celui-là de station. Il y a tout un tas d'installations, dernier cri de luxe, de très très grand luxe. Et Exa 02, c'est un énorme showroom avec plein de vaisseaux. On peut acheter quasiment tous les vaisseaux qui sont accessibles au commun des mortels, on va dire, accessibles légalement. Donc pas de vaisseaux militaires, toujours. Et après, tous les vaisseaux qui sont autorisés à la vente, donc les vaisseaux les vaisseaux notamment un peu classiques et certains vaisseaux de nations connexes. Okay. Par contre, le prix du vaisseau, c'est des centaines de, oui, de milliers de crédits pour certains, ou des dizaines de milliers. Ah bah oui. Il n'y a pas les moyens pour ça. Bon. Bientôt, bientôt. On va se refaire. Voilà. Ouais. En tout cas, moi je rebois un coup. Mais du coup, c'est vrai C'est tôt le matin. Moi quand... Ouais. Moi je leur tends le petit-déj, hein. Je fais ça, petit-déj de champion, après une fête. surtout à Never, je dis ça. Moi, je serais pas dépaysé dans la machinerie du nouveau vaisseau, hein, parce que vu que j'y ai passé la nuit, donc ça va. Tu connais déjà la maison. Ah bon, t'as passé la nuit là-bas? Je connais déjà la maison. Oui, je suis réveillé dans Ouais. Là-bas, moi. Ouais. J'ai hâte de pouvoir revoir un Solaria 400, là. Ça fait longtemps. Ah, t'en as déjà piloté? Non, pas vraiment piloté, mais j'en ai déjà pris un, une fois. Peut-être deux. Ouais, donc bah, j'en ai déjà pris. Non, je m'en fous si c'était légal ou pas. Je suis en des pirates. Non, j'étais passager à ce moment-là. Ah, d'accord. Et bah là, tu vas pouvoir le piloter. Hein? C'est pas grisant? Ah, si, ça va me faire plaisir. C'est ça la vie de pirate. Vous avez vos jours de latence en termes de distance. Après, vous faites avec Marcus les différents calculs pour savoir par rapport aux rotations des planètes à l'Hexa. Mmh. Donc, vous avez vos 5 jours de marge. Et donc là, vous allez vous calculer ensemble, grosso modo, combien de temps au réel ça va vous demander d'aller et de venir. Donc, ouais, en mettant tout ça en place, donc vous avez mis vos 5 jours de sécurité, hein, pour faire le taf à peu près. Donc, vous obtenez un global... Là, par rapport aux rotations, donc ça va être le bon moment. Hein, il va pas falloir trop tarder. Elles vont être assez proches. Vous êtes sur 15 jours. Donc, en comptant vos rotations, on est sur 17 jours, on va dire. 17 jours. Donc, vous avez près de 12 jours de voyage. Donc, 6 jours aller, 6 jours retour. Ok. Bah, ça nous permettra ce que je vous propose... puisque il va être 6h30 au choix, où on peut s'en arrêter là et faire la suite du voyage et tout ce qui s'ensuit de la prochaine fois, si ça vous va, ou on fait juste les préparatifs avant de se lancer. Pas les préparatifs, il nous reste une petite dizaine de minutes. Ouais. Pourquoi pas, oui, moi ça. J'avais une question du coup avec tout ça, on peut récupérer les blessures qu'on avait ou... Vous êtes à fond, t'es remonté. L'alcool, ça soigne. Exact. Parfait. Techniquement, ce vaisseau-là est plus... Techniquement, ce vaisseau-là est plus évolué que celui qu'on avait avant, c'est ça. Mais je vais pas avoir de soucis à le prendre en main. Il n'y a pas de soucis, quoi. C'est toujours moins compliqué. Après, les systèmes sont toujours les mêmes. Hein. Donc, les systèmes sont toujours les mêmes. Là, bien évidemment, c'est largement c'est une catégorie de vaisseaux qui est largement plus agréable. Ce qu'il y a à noter sur ces vaisseaux-là, c'est que c'est des cabines de luxe en termes de quartier. Donc, comme c'est un très joli vaisseau, le fait qu'il soit beau et que les quartiers soient très confortables, ça permet d'améliorer notamment en termes de jeu vos tests de négociation. Ou alors, quand il y a d'autres vaisseaux qui ont vous devez jouer en fait sur l'allure du vôtre, etc. Donc pour dire, regardez, on est sexy, évitez de nous carnader la gueule, quoi. Ou de la même manière, on est sexy, donc on est plus respectable. Et le fait d'avoir de jolies cabines, ça permet aussi d'améliorer tout ce qui est autour des tests de sociabilité, de la négociation, de la séduction en fonction de ce que vous faites. Voilà, vous êtes dans un environnement agréable. C'est pas partie des vaisseaux les plus rapides, alors ça reste convenable par rapport vous à votre basique, hein, bien évidemment, puisque c'est censé être un vaisseau de plaisance. Par contre, il y a plein de monde à l'intérieur pour le faire manœuvrer. Et vous avez à la fois sur le pont et sur le ventre un canon laser léger en tourelle, donc d'un côté comme de l'autre. Voilà. Et c'est un peu plus solide qu'un basique. Pour info, un basique, donc la coque. C'est l'équivalent des points de santé pour les vaisseaux. Basique, ça en a 10. Et Solaria 400, ça en a 15. Par contre, ça n'a pas de blindage. Voilà. Voilà. Ok. Ça marche. Allez, hein. Harold, fais le truc. Moi, je vous propose que quand on arrive sur Hexa 01, on peut récupérer notre Atmos et l'utiliser pour transporter la cargaison jusqu'à l'endroit où on pourra trouver la personne. Ça sera mieux idée, que... plutôt que s'encombrer avec le Solaria, surtout qu'on... vu qu'il y a... surtout qu'il ne faut pas qu'il doit être vu. Voilà, c'est ça. Donc autant peut-être passer l'Atmos dans le Solaria avec la cargaison, mais sa cargaison plus dessus. On fera un aller-retour au pire, c'est pas un souci. Hein. Voilà. C'est pas faux, c'est pas faux. Ouais, bon, on va faire ça. C'est une très très bonne idée. Mmh. Vous avez pu déplacer tout ce que vous aviez envie. Alors la soute du Solaria, elle est deux fois plus grande que celle du basique. Mmh. Mmh. Donc vous pouvez en mettre des choses. Et il y avait 15 unités cargo qui étaient occupées par les conteneurs de marchandises. Et il y en avait 5 qui étaient occupées par en fait, des réserves, tout un tas de choses. En fait. Donc vous avez encore 30 unités de soute. Donc c'est largement assez pour pouvoir mettre l'Atmos avec vos petits conteneurs à l'arrière. Mmh. Et bien, parfait alors. Cool. Eh ben nickel. Alors, c'est l'heure de partir en voyage interplanétaire. Alors, pour commencer, effectivement, il va falloir tout ce qui est réavancer, vous repérer, etc. On est plutôt bon, puisque vous savez à peu près où vous êtes. Mais même en sachant où vous êtes, il faut quand même faire le point, tout simplement pour vérifier si vos calculs, pour déterminer après votre cap, votre route de trajet, c'est la bonne, c'est la plus performante, c'est celle qui passe peut-être par le moins d'anomalies. S'il y a des anomalies connues qui ont été transmises par des gens qui venaient d'arriver sur la station, là c'est pas le cas. Donc faire le point, ça demande un test de navigation. C'est généralement le pilote qui s'en charge et ça prend à peu près une heure. Sur les selles du système, ça vous permet de connaître effectivement la distance précise de tous les corps célestes par rapport au soleil du système. Et toutes les distances, comme les fils de rotation, etc., au niveau des planètes, où est-ce qu'elles en sont sur leur cycle. Donc ça va demander un test de navigation. Faire le point. Donc tu vas gagner à ce test, tu vas gagner, combien de dés? Tu vas gagner 4 dés. Parce que t'es pas tout seul à le faire, t'as tout le reste de l'équipage en fait du Solaria qui participe aussi à ces manœuvres-là. Donc vous gagnez en fait les bénéfices de la règle tous ensemble. Donc quand vous avez plusieurs à aider quelqu'un sur une route, c'est vous donner plus un dé. Donc là, il faut 5 pilotes pour manœuvrer cette bête quand même. D'accord. Bah, le disco. Hein. Allez. Donc, très bien, c'est tout facile. De toute façon, la difficulté, elle est assez simple là. Donc c'est généralement c'est difficulté 2 en global. Après, ça, elle évolue, comme toujours, en fonction de si, où est-ce qu'on se trouve, etc. Les doigts dans le nez. Exactement. Donc vous vérifiez tout ce qu'il y a, donc tout est bon, vous savez où vous êtes, vous savez comment vous allez y aller, tout va bien. Idéalement, maintenant la suite ça va être de lancer effectivement les vigies, donc les senseurs, pour commencer à analyser un petit peu ce qui se passe tout autour, afin d'anticiper s'il y a des choses dans l'espace proche que vous allez devoir traverser, notamment comme péril. Donc ça permet de sonder un petit peu plus loin pour commencer à vous préparer. Je vais soutenir notre... Trois dés supplémentaires. Hop. Donc je mets 3 dans dés supplémentaires, c'est ça? Yes. Ouais. Hop. Oula. Ah bah, heureusement qu'il... De succès, ok. Donc ça permettra d'avoir en fait des tests quand vous allez faire le premier péril. On va faire un péril et puis après on s'arrêtera. Ouais, on a fait faire le point en fait, faire le point parce que vous savez déjà où vous allez et tout avait déjà été calculé. En fait, tu fais les vérifications parce que c'est un bâtiment qui est pas le tien pour être sûr que ça se passe bien. Quand vous allez dans un endroit et que vous avez tout à faire, au lieu de faire le point, vous ferez plutôt un test. C'est la même chose en termes de règles, c'est juste que vous déterminerez le cap. Voilà, c'est la petite nuance. C'est où est-ce que je vais et pas en gros est-ce que tout est bien. Voilà. Faire le point, c'est par exemple vous arrivez à un endroit où vous savez pas où vous êtes paumé dans la galaxie, mais vous faites le point pour comprendre où est-ce que vous vous situez en premier. Et après, on peut décider de partir quelque part. Là, tout était déjà fait, c'est juste pour préserver les mécaniques de jeu et vous habituer à toujours un peu le même déroulé. D'accord. Donc on est bon, et là, vous allez partir. Donc, pour faire simple, le premier quart, c'est toujours vous, et le deuxième quart, ça va être l'équipage qui reste. Comme ça, vous serez tout le temps ensemble, ok? Ok. Donc, comment ça se passe? On va faire un péril, donc une première journée de voyage, tout simplement, ensemble, en interplanétaire, et on s'arrêtera à la fin de cette première journée. Donc, quand on est en voyage, par rapport au nombre de jours, on peut le faire en version accélérée, donc quand il y a pas trop, quand on veut faire ça vite, donc le retour, on le fera très certainement en accéléré. Et sinon, on peut le faire un peu à la mode pirate, c'est-à-dire au jour le jour, que ce soit en voyage interplanétaire ou en voyage hyperspatial. Et à chaque fois, vous allez rencontrer des espèces d'anomalies dans l'espace, parce que y a des courants cosmiques, il y a tout un tas de choses qui sont plus ou moins dangereux, et forcément qui impactent votre voyage. Donc chacun va avoir à décider pendant son quart, un petit peu, ce qu'il décide d'en faire. Donc vous avez plusieurs options. Donc déjà, on va traiter le péril. Hein, et s'il n'y a pas de péril, ça vous permet de faire plus de choses. Parce qu'en fait, s'il y a un péril, en gros, le temps de le gérer, ça vous prend à peu près quasiment une demi-journée. Parce que vous êtes en train de naviguer dans des conditions stressantes. Et comme vous êtes stressé, vous ne pouvez pas vous occuper à faire un autre truc. Vous êtes concentré sur un truc. Okay, okay. S'il n'y a pas de péril, si c'est plutôt cool, par exemple, le navigateur, il peut faire l'action qui s'appelle tirer des bords. Pour essayer, en fait, de gagner de la distance, d'aller plus vite avec les courants cosmiques, etc. Donc ça fait économiser un petit peu de carburant et surtout ça fait aller plus vite. Il y a la même chose quand on est en hyperespace avec l'action surfer sur la vague. Voilà. Mais ça, on y reviendra quand vous le ferez. Donc, idéalement, comment ça se passe les périls? Donc, j'ai le manuel du meneur et en fait, il y a tout simplement un test à faire avec des rencontres aléatoires, c'est des tables aléatoires qui ne sont pas les mêmes en hyperespace. Qu'en espace classique. Donc ces tables, tac, je les ai sous les yeux et il va falloir faire un petit test. Hop, alors s'il vous plaît, on va demander à la vigie, tout simplement. Oui. C'est peut-être comme ça qu'on va le faire. De lancer donc 2d6, s'il te plaît. Voilà. Alors hop. 2d6. Alors, je sais plus comment tu fais pour lancer. Dans lancer générique, tu mets 2 et tu cliques sur lancer générique. Tire sur ta fille. Je sais même plus où c'est, lancer générique. Au-dessus de carrure et perception, t'as lancé générique. Ouais, à côté des dés supplémentaires et tout, pas loin des dés supplémentaires. Ah oui, lancer générique. Alors je mets 2, c'est ça? Yes. Tu mets 2 et tu cliques sur lancer générique, voilà. Ok, ah merci, c'est gentil. Je m'en rappelle plus. Voilà, ça fait un succès. Et positionné. Donc ça te fait 6, très bien. Eh ben 6, donc très bien. 6, c'est une catégorie d'événements qui s'appelle une beauté de l'espace. Donc c'est plutôt un truc positif, voilà. Hein, c'est pas la catastrophe. Ça va, Belette, t'as géré. Donc je vais te demander s'il te plaît de relancer 2d6 et pareil d'additionner, ce qui me permettra de savoir exactement ce qu'il en est. 7. Ok. Alors tac, je prends ma petite table et je vais te dire de suite. Interplanétaire. Hop. À la lettre D. Alors. Et à ton test de senseur, tu as fait 2, il me semble. Avant. C'est ça. 2 succès, voilà. Donc le test de senseur, en fait, il te permet, quand tu rencontres un péril, de savoir si quand tu le vois apparaître, tu sais en fait ce que c'est, ou si tu dis merde, j'ai pas toutes les infos. D'accord. Moi, ça me permet, par exemple, de te donner plus d'infos sur la description de ce qui se passe. D'accord. Donc là, en l'occurrence, tu vas repérer, ainsi que l'autre vigie, parce qu'il faut être 2 vigies pour manœuvrer ce bâtiment-là. Donc tu repères à quelques unités spatiales, à quelques US en fait du vaisseau, des sources d'énergie dépourvues de masse qui se déplacent à des vitesses qui ressemblent à celles de vaisseaux spatiaux et qui effectuent même au niveau de leur marque en fait des sortes d'acrobaties. Ce qui peut peut-être t'inquiéter, c'est que leur cap va rejoindre le vôtre dans à peu près quelques minutes, mais selon une trajectoire qui te semble en termes de vitesse trop douce pour qu'il y ait une sorte d'interception. Donc ça n'a pas l'air d'être méchant, mais il y a des trucs bizarres qui se déplacent vers vous. Ok. D'accord. Donc qu'est-ce que tu fais de cette info-là, toi? Capitaine, bon, je pense qu'il y a quelque chose d'assez étrange qui est en train d'arriver vers nous. Mais bon, je crois que ça va pas nous toucher. On va pas passer loin, mais voilà. Après, je sais pas trop ce que c'est. C'est un peu bizarre. Je regarde un petit peu hein, ce qu'il a. Est-ce que Est-ce que c'est quelque chose que j'ai déjà eu l'occasion d'observer, peut-être, de par... Alors, celles et ceux qui sont... puisque tu as donné au capitaine, alors on est sur une passerelle, c'est un gros bâtiment. Il y a cinq zones pour au niveau des pilotes, deux au niveau de la vigie. Donc c'est une vraie passerelle, là. C'est pas un poste de pilotage comme vous avez sur le basique. Ce qui veut dire que potentiellement Belette, Harold, Bart, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de faire un test de science stellaire. Donc les senseurs, okay. Ça sert à identifier par la technique, notamment les informations pour savoir ce que c'est. Science stellaire, ça permet aussi effectivement de déduire avec l'expérience ou ce qu'on connaît de l'espace. Qu'est-ce que d'accord. Ça peut être, cette chose-là ? Écoute, science stellaire... Pour la difficulté peut-être un peu augmentée par rapport au... Test du senseur 1, 2. Vous savez pas trop parce que les infos que vous avez ne sont pas assez précises. Donc vous n'arrivez pas trop à déduire, vous, de votre expérience, que ça peut être. Ouais. Mais vous allez être, vous qui avez accès directement à l'espace, vous pouvez voir à travers le poste de pilotage, vous voyez des points brillants qui apparaissent à l'horizon comme des sortes de feux follets. Et très rapidement, vous serez émerveillé puisqu'ils vont grossir et modifier leur trajectoire pour adopter la vôtre et se déplacer à côté de vous, comme s'ils vous accompagnaient. Ils font des vrilles. Et maintenant que vous les voyez bien mieux, vous voyez des formes constituées d'énergie pure qui ressemblent à des dauphins. Ah, c'est magnifique. Regardez ce spectacle. Est-ce que ça nous rappelle ce que nous on avait vu à l'époque où on était sur le Kraken affamé? Pas exactement la même chose. Hein? Pas exactement la même chose. Ouais, c'est pas. C'était des grosses baleines ou des trucs comme ça, non? C'était un peu comme ça, non? C'était autre chose. C'était aussi une beauté de l'espace, mais c'était pas tout à fait ça. Ouais. Mais ouais, okay. Vous étiez en hyperespace, vous. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que là, on est en vitesse normale. Enfin, c'est un peu la même chose, parce que là, en fait, vous venez de vous croiser. Donc là, forcément, vous savez ce que c'est, parce que vous en avez entendu parler. Vous en avez peut-être déjà vu, mais bon, voilà. Donc vous êtes témoin de ce qu'on appelle des dauphins de l'infini. Donc ils continuent à virevolter de façon complètement inoffensive. Et ils émettent des sortes de couinements un petit peu étranges. Donc bien évidemment, y a plein de gens, les scientifiques, les érudits du dernier millénaire qui s'interrogent sur ces dauphins. Hein. Est-ce que c'est une forme de vie? Est-ce que c'est... Voilà, on s'en sait rien. Mais voilà, toutes les personnes qui se baladent dans l'espace, elles pensent plutôt à s'émerveiller, à profiter d'être entourées de ces espèces de dauphins sympathiques, une France qui accompagne les voyages. D'ailleurs, certains leur prêtent, les plus superstitieux, leur prêtent même le fait que quand il y a des dauphins de l'espace qui voyagent avec nous, c'est plutôt bon signe et c'est un signe de bonne fortune. Ouais. Si je peux, je vais demander à Nevers de venir sur le pont pour qu'elle puisse admirer également le spectacle. Oui, bien sûr. C'est voilà. Gentil parce que les traces de vomi d'hier soir, c'est pas top à regarder. Quoi. Merci. Ah. T'as pas pris ton petit déj? si, mais il reste d'hier des trucs. Donc... Bah écoutez, vous profitez de ça et peut-être, Harold, si tu veux, tu peux profiter de ce moment-là pour, pendant ton quart, tenter de tirer des bords. Gagner du temps. Favoriser votre voyage, tout simplement. Tente le coup, je pense. Est-ce qu'on peut perdre du temps si... Non, ça peut juste ne pas marcher. Hein. C'est rien ne se passe. Ouais, hein, voilà, si donc, ça ne bouge pas, c'est juste pour essayer d'être bien. Voilà. Donc là, tu es en vitesse de croisière, de toute façon, tranquillement. Et donc, tu vas tenter de tirer les bords. Donc, est-ce là, que les autres... La difficulté est égale à 1, comme plein de tests. Donc après, des succès excédentaires. Ok. Est-ce que les autres pilotes m'aident pour ça? Ouais, bien sûr, t'as 4 dés supplémentaires. Ok, ça va aller normalement. Je crois que c'est réussi. Oui. Donc, 4 succès excédentaires. Donc encore une fois, hein, quand on fera les voyages spatiaux, on prendra le temps de voir les distances, les trucs, là on le fait un peu tranquille. Donc en termes de règles, ça veut dire quoi? Vu que c'est difficulté, hein, donc t'as 4 succès excédentaires, et pour chaque succès excédentaire... Ça te permet tout simplement de te déplacer, de parcourir en fait une unité spatiale, une US supplémentaire au cours de cette journée. Donc c'est quand même très bien. Donc c'est quand même très très bien. Ça te permet de gagner quand même pas mal de temps. Et donc ben voilà, toi tu vas passer ta journée à tirer des bords, hein, à manœuvrer le vaisseau, à faire des petits mouvements, etc. pour avancer au mieux. T'as l'œil qui est rivé pendant un moment sur l'Océrim, hein, le soleil, hein, l'étoile du système. Et avec tes instruments, bah, tu fais en sorte que les ondes gravitationnelles qui émanent de chaque planète, hein, puissent te permettre effectivement d'avancer en te superposant au niveau de tes relevés, en superposant ton cap et la route avec ces informations-là pour voguer un petit peu dessus pour que les courants en fait t'emportent. Donc des vecteurs plutôt favorables, donc vous allez bien voyager, tu gagnes même de la vitesse. Et alors que ce voyage est bien engagé en direction, hop, je vais décoller, tac, de Exalia, on va vous déplacer un petit peu sur la petite carte du système, voilà, vous êtes dans l'espace en train d'avancer. Messieurs, je vous propose à cette fin de journée, quand vous rendez l'écart pour le prochain service, pour aller faire une journée de repos, puisque c'est une journée active, une journée de repos, on tourne comme ça, donc sauf si on est très très nombreux, on peut faire une journée active, deux journées de repos, etc. Donc là, vous avez au choix ou un jour ou deux jours de repos, comme vous voulez. Mais vous allez continuer à avancer en direction d'Exalia, et je vous propose de s'en arrêter là et de se retrouver alors que vous serez en train d'arriver au milieu du chemin pour un autre péril. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises early in the morning. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor early in the morning. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises. Way, hey. Sober, put him in a longboat till he's sober, put him in a longboat till he's sober, early in the morning.